بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله mes frères, on remercie et loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet inshallah aujourd'hui de commencer l'explication donc du chapitre sur le jeûne du livre Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Et comme vous savez, Inch'Allah, on n'est pas loin donc, d'entrer dans le mois de Ramadan. Et le musulman, hein, comme vous savez, il doit pratiquer sa religion avec science, avec connaissance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc un ordre, quel qu'il soit, celui-ci implique donc, la connaissance de cet ordre-là. « Wa aqimu salah » appliquez la prière, faites la prière. Ceci implique que le musulman donc, apprenne le fiqh, la jurisprudence de la prière. Hein, car comment pourrait-il prier une prière donc authentique, si jamais il n'a pas la connaissance de la prière. De même pour le jeûne, le musulman doit apprendre la jurisprudence du jeûne afin que, Inch'Allah, Azza wa Jal, son jeûne soit authentique, bi'iznillah, Azza wa Jal, et qu'il puisse obtenir les nombreuses récompenses donc, qui découlent de cette œuvre-là. L'imam dit kitab ou siyam. Donc le mot kitab, on l'avait vu auparavant. Vous reviendrez, Inch'Allah, sur les durus concernant Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Kitab al-Siyam, al-Siyam, donc dans la langue arabe. Qu'est-ce que al-Siyam dans la langue arabe? C'est mutlaqul imsak, c'est l'abstinence. L'abstinence de quoi que ce soit. S'abstenir de parler, c'est un imsak dans la langue arabe. S'abstenir de bouger, de faire un mouvement, c'est un imsak dans la langue arabe. S'abstenir de boire, c'est un imsak dans la langue arabe. S'abstenir d'avoir des rapports sexuel, c'est un imsak dans la langue arabe. S'abstenir de quoi que ce soit, c'est un imsak. Donc, le siyam dans la langue arabe, c'est mutlaqul imsak. Et de ceci provient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque Maryam alayha salam a dit wa inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Et donc, j'ai fait comme promesse au Rahman, au tout miséricordieux, sawman, un jeûne. Un jeûne, mais ce n'est pas un jeûne législatif dans le sens que qu'on comprend nous, comme on va jeûner le mois de Ramadan, mais c'est le jeûne qui va être expliqué par la parole même d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le même verset, « Falan ukallima al-yawma insiya » « Je ne parlerai pas aujourd'hui à tout être humain. » Donc l'abstinence de parole hein, qu'avait Maryam alayhi salam pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un imsak, c'est un siyam. Donc le siyam dans la langue arabe, c'est l'imsak, l'abstinence, quelle qu'elle soit. Et aussi, il y a une parole d'un poète, Nabira, qui dit « Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma » Khaylun, des chevaux. Siyamun, en état de siyam. Des chevaux en état de siyam. Donc, pas en état de siyam comme nous allons jeûner le mois de Ramadan, mais qui sont en abstinence. Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin. Et d'autres chevaux qui n'étaient pas en état de siyam d'abstinence. Donc, ce poète-là décrit des chevaux qu'il voyait. Il dit ensuite dans la deuxième partie du vers, il dit « Wa ukhra tahta al-ajaji ta'lu kullu juma » et d'autres chevaux étaient donc sous la poussière, le vent poussiéreux, « ta'lu kullu juma » en train de mâcher les morts, ce que l'on met dans la bouche du cheval pour le tenir après avec des rênes. Et les explicateurs donc de ce poème-là ont dit qu'est-ce qu'il veut dire Nabira par « khaylun siyam » des chevaux en état de siyam, c'est-à-dire des chevaux qui ne crient pas, hein, qui ne sont pas en train de hennir. Et d'autres disent que ce sont des chevaux qui n'étaient pas en train de mâcher les morts comme le faisaient les autres chevaux. Mais ce que l'on tire donc de ce vers, de ce poète-là, c'est que dans la langue arabe, le mot siyam veut dire l'abstinence. Dans le shara, dans le sens législatif. Donc, et ces définitions-là sont extrêmement importantes, mes frères, car le khalt, le mélange qui existe aujourd'hui, on va le voir d'ailleurs, hein, par rapport à certains avis juridiques qui existent aujourd'hui, dans la porte même du jeûne, que beaucoup de confusions ont lieu dans les ahkam fiqhiya, dans les statuts jurisprudentiels, lorsqu'il n'y a pas différenciation entre le sens linguistique et le sens législatif de deux notions. Le siyam, dans la langue arabe, c'est un sens, dans le sens législatif, c'est un autre sens. Le mot iman aussi, le mot foi, il a un sens dans la langue arabe, qu'on avait vu dans les durus de Usul Thalatha, et il a un autre sens dans le sens linguistique. L'égarement de certains, comme les Murji'a, ça a été d'expliquer le imen, donc législatif, en le superposant au imen à la fois linguistique. Et ça a été leur égarement. Et il y a aussi des erreurs qui ont lieu ici lorsque Donc on confond les différentes définitions. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Les fuqaha toujours commencent leur chapitre par cela. C'est des points qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le sens linguistique, législatif, sont des choses dont vraiment auxquelles il faut donner de l'importance. Donc le siyam, le jeûne, ou bien le saum aussi. Ce sont les mêmes mots. Siyam, ou bien saum avec un waw après le sad. Donc dans le sens législatif. Huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil-imsaki anil mufattirati min tulu' al-fajr al-thani ila ghurub al-shams. Donc dans le sens législatif, c'est l'adoration d'Allah, at-ta'abbudu lillah bil-imsak, par l'abstinence, anil mufattirat, donc s'abstenir des mufattirat, de ce qui annule le jeûne. Donc on verra qu'est-ce que c'est. Min tulu' al-fajr, du lever de l'aube, al-thani, le second, du lever du deuxième aube, l'aube qu'on appelle l'aube véridique et non pas l'aube mensonger. Ila ghurub ash-shamsi, jusqu'au coucher du soleil. Donc ça, c'est le jeûne dans le sens législatif. Donc c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut obligatoirement une intention par le délaissement, donc des mufattirat, de ce qui annule le jeûne, de la montée du deuxième fajr, donc de l'aube véridique, jusqu'à ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil. Donc on va expliquer cette définition-là, inshallah. At-ta'abbudu lillah, donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un ta'abbud d'Allah Azza wa Jal? Car il faut obligatoirement une niya, il faut obligatoirement une intention. Et ça, on le tire d'où? Qui peut le répondre? Qui peut répondre à ça? D'où est-ce qu'on tire qu'il faut obligatoirement une intention pour que le jeûne soit valide et qu'il soit une adoration? Les heures, c'est souvent intense. Voilà. Innamal a'mal bin niyat. Barakallahu fik. Du hadith de Omar, radiyallahu anhu. Le hadith de Omar. Et aussi on verra dans le hadith Qudusi, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il délaisse sa boisson, sa nourriture et son désir pour moi. Donc le mot là, pour moi, min ajli, montre que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et si ce n'est pas fait pour lui, ce n'est pas un jeûne donc législatif. Donc il faut obligatoirement une intention. Donc celui qui délaisse les mufattirat, que l'on va voir ensuite, donc les choses qui annulent le jeûne, du lever de l'aube véridique jusqu'à la fin donc de la journée, c'est-à-dire ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil, sans intention. Est-ce que ce jeûne-là, qui est un jeûne dans la langue arabe, est un jeûne législatif? Est-ce que c'est un siyam dans le sens shar'i législatif? Non. Donc ce n'est pas un jeûne dans le sens législatif. Donc la niya, ça c'est une condition obligatoire pour qu'il y ait jeûne législatif. Donc quand est-ce que doit être mise en place la niya? Pour le jeûne obligatoire, donc pour le jeûne du mois de Ramadan, et on va voir d'autres jeûnes qui sont aussi obligatoires, pas à l'origine, à la base, par la législation, mais ils deviennent obligatoires parce que l'individu a fait quelque chose qui rend ce jeûne-là obligatoire. Donc pour le jeûne obligatoire, notamment pour le mois de Ramadan, il faut que l'intention donc soit émise avant le lever du Fajr Thani, avant le lever du deuxième Fajr. Et ça, c'est tiré d'un hadith que l'on cite, Inch'Allah, an Hafsata, radiyallahu anha. Donc Hafsa, la fille de Omar, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam, an il nabiyyi sallallahu alayhi wa salam, a qal, man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri, fala siyama lah, rawahu al-khamsa. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, celui donc qui ne met pas l'intention de faire son jeûne avant le fajr, il n'a pas de jeûne. Le hadith est rapporté par les cinq. Vous vous souvenez qui sont les cinq? Lorsqu'on dit rapporté par les cinq, qui sont les cinq? Malik. Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, Ahmed et Abu Dawud. Donc ce hadith est rapporté par les cinq, il est authentique. Donc il montre que celui qui ne met pas l'intention de faire son jeûne avant le fajr, il n'a pas de jeûne. Si on s'en tient qu'à ce hadith, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire entrent dans ce hadith-là, car il n'est pas spécifié que seulement le jeûne obligatoire est soumis à cette règle-là. Mais comment est-ce qu'on va extraire donc le jeûne surrogatoire et dire qu'il est permis d'émettre l'intention après le lever du fajr? C'est du hadith suivant. An Aisha radiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin faqal, hal 'indakum min shay'? فقلنا لا فقال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائمة فأكل رواه الجماعة إلا البخاري. Donc Aïcha radiallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wa salam est rentré un jour chez elle et il a dit هل عندكم من شيء, est-ce que vous avez quelque chose à manger? فقلنا لا, nous avons dit non. فقال فإني إذن صائم, فإني إذن, je suis donc parce que vous n'avez rien à manger en état de jeûne. Ça montre bien que il n'avait pas l'intention de jeûner jusqu'à ce moment-là. Elle dit ensuite ثم أتانا يوما آخر فقلنا, un autre jour il est venu et nous lui avons dit يا رسول الله, on nous a offert حيث, c'est du pain mélangé avec de la graisse, du beurre. فقال أريني, il a dit montre-le-moi. فلقد أصبحت صائما, je suis en état de jeûne. Et lorsqu'il a vu cette nourriture, فأكل, il a mangé. رواه الجماعة, le hadith est rapporté donc par Muslim et les quatre sunan et Ahmed. On dit Al-Jama'a, ce sont les sept, sauf Al-Bukhari. Donc il est rapporté par les sept, sauf Al-Bukhari. Donc l'intention avant le Fajr est une obligation pour le jeûne du mois de Ramadan, et tout jeûne obligatoire, et pour le jeûne surérogatoire, il est permis donc de mettre l'intention après le Fajr. Mais ça, si on le fait, on est récompensé que par donc la partie de la journée qu'on a jeûné, on est récompensé proportionnellement à la partie qu'on a jeûné. Si quelqu'un met l'intention à 10h du matin, il est récompensé de 10h du matin jusqu'au ghuroub, jusqu'au coucher du soleil. Il n'a pas la même récompense que celui qui a mis l'intention après le fajr. Donc n'entre pas dans cette règle-là celui qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal. Celui qui met l'intention lors du jeûne des jours de Shawwal après le fajr, il n'entre pas donc dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sama ramadan, celui qui jeûne le mois de ramadan, summa atba'ahu sittan min shawwal, puis a fait poursuivre le jeûne du mois de ramadan par 6 jours de shawwal. Si tu veux entrer dans ce hadith là, il faut que dans tes 6 jours tu aies mis l'intention avant salat al-fajr, du moins avant tuluh al-fajr, sinon tu n'as pas 6 jours de jeûne. Et de même pour ayyam al-bid, les jours des nuits blanches, celui qui veut avoir les 3 jours complets, il faut qu'il mette l'intention avant le fajr. Sinon, ça n'entre pas dans les hadiths qui ont mis des récompenses spécifiques avec des nombres cités. Avec des nombres cités. Cheikh Al-Othaymin a dit ça par rapport au jour de Shawwal, que celui qui met l'intention après Toulou al-Fajr al-Thani, donc sa journée est bonne, mais il n'entre pas dans la récompense, dans le hadith qui dit 6 jours, car il n'a pas jeûné 6 jours. Donc on continue l'explication de la définition du siyam dans le sens législatif. On a dit at-ta'abbudu lillah, l'adoration d'Allah. Donc on a expliqué l'intention bil imsak 'anil mufattirat, par l'abstinence donc de ce qui annule le jeûne, wa hiya al-aklu wash-shurbu wa ma yaqumu maqamahuma wal-jima'. Et qu'est-ce que al-mufattirat, ce qui annule le jeûne? On le verra de manière plus détaillée, mais ici on le donne de manière globale, c'est le fait de manger, de boire et ce qui a le statut de manger et boire. On verra ce qui pénètre dans le corps, ainsi que le rapport sexuel, et ce qui a aussi le sens du rapport sexuel comme la masturbation, l'éjaculation volontaire ou bien provoquée. Donc quelle est la preuve de cela? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit le jeûne est un bouclier. فلا يرفث ولا يجهل. Donc celui qui est en état de jeûne, qu'il ne fasse pas الرفث. الرفث, certains disent que ce sont les paroles que l'on dit à une femme, donc des paroles que l'on dit en introduction au rapport, ou bien ce sont les paroles autour donc des femmes, autour de choses de ce sujet-là. ولا يجهل, et qu'il ne fasse pas preuve aussi d'ignorance. وإن امرؤ قاتله, et si quelqu'un l'appelle au combat, ou bien qu'il l'insulte, فليقول إني صائم مرتين, qu'il dise إني صائم, je suis en état de jeûne deux fois. والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme dans sa main, la خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك, certes la laine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, il délaisse donc le jeûneur, il délaisse sa nourriture et sa boisson et son désir pour moi. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها, رواه البخاري. الصيام لي, le jeûne est pour moi. Allah dit, le jeûne est pour moi. وأنا أجزي به, et c'est moi qui en donne la récompense. والحسنة بعشر أمثالها, et la récompense à 10 fois son salaire. Donc il s'y dit, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Il délaisse donc sa nourriture, sa boisson et son désir, من أجلي, pour moi. Donc ça, ce sont les مفطرات, les annulatifs donc du jeûne. On continue l'explication de la définition législative du jeûne. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Donc quelles sont les délimitations du jeûne en termes de début et de fin? Le début, c'est la montée de l'aube véridique. La montée de l'aube véridique. On voit la différenciation entre l'aube véridique et mensonger lorsqu'on étudie donc les horaires de la prière, notamment du Fajr. Donc il y a 3 différences hein, qui sont principales. La première, c'est que l'aube véridique est horizontale alors que l'aube mensonger est verticale. La seconde, c'est que l'aube véridique il est collé à l'horizon alors que l'aube mensonger, il y a entre lui et l'horizon donc de l'obscurité. Et la troisième, c'est que l'aube mensonger, il disparaît et redonne donc à sa place lieu à l'obscurité, alors que l'aube véridique ne cesse de croître jusqu'à ce que la lumière donc remplit le ciel. Donc quelle est la preuve de cette délimitation là, que ça commence du Fajr Sadiq, du Fajr véridique, et que ça se termine au coucher du soleil? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وكلوا, et mangez, وشربوا, et buvez, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, jusqu'à ce que vous voyez, vous différenciez le fil blanc du fil noir. ثم أتموا الصيام إلى الليل, puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Quel est ce خيط أبيض, ce donc très blanc dont parle Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'ici, il n'est pas dit que c'est le Fajr véridique ou le Fajr mensonger. Simplement, il a été dit « min al-Fajr », donc le trait blanc du Fajr. Mais est-ce que c'est le premier Fajr ou bien le deuxième Fajr? Donc ça, on va le trouver dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa salam, dans le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, a dit « Inna bilalan yu'adhinu bilayl » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه واللفظ لمسلم رحمه الله عليه. Le prophète alayhi salat wa salam dit, Bilal certes donc fait l'appel à la prière de nuit. Donc Bilal, il faisait un premier adhan avant Abdullah ibn Ummi Maktoum, l'aveugle qui est dans l'histoire de Abasa wa Tawalla, l'histoire de qui est dans cette sourate là, c'est lui dont il est question, cet aveugle là qui est devenu ensuite donc appeleur à la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Bilal certes fait l'appel à la prière de nuit. Fakulu wa sharabu, mangez et buvez, tout comme il a été dit par Allah dans le verset. Fakulu wa sharabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktoum, jusqu'à ce que ibn ummi maktoum fasse donc l'appel à la prière, qui est celui donc du subh, et qui est donc bien sûr commencé l'appel à la prière lors de la montée du deuxième fajr. Donc ça, c'était l'explication de la définition législative du jeûne. Donc qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par l'abstinence, le délaissement des mufattirat, qui sont donc manger, boire et ce qui en a le sens, et aussi le rapport sexuel et ce qui en a le sens, comme l'éjaculation. Donc parmi la discipline du jeûne, hein, comme vous savez, notamment on va parler du jeûne de mois de Ramadan, donc c'est un grand mois qui va arriver, une grande action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et qui a son importance. Et ce jeûne-là, il a différentes sagesses et différents objectifs. Et certains objectifs ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, notamment réaliser at-taqwa et réaliser al-shukr. Réaliser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, il vous a été prescrit le jeûne tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqoun, certainement donc vous réaliserez la taqwa, la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala un peu plus loin? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah ne veut pas pour vous la difficulté, mais il veut pour vous la facilité. Et c'est aussi afin que vous complétiez, donc elle est dans le mois, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certainement vous remercierez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont les, sûrement les deux plus grands objectifs donc, du jeûne de mois de Ramadan, notamment réaliser la taqwa, la piété, mes frères. Donc l'être humain va être, inshallah, le musulman pendant un mois, hein, pendant un mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le délaissement de sa nourriture, de sa boisson, de ses désirs charnels, hein, de la montée du fajr véridique jusqu'au coucher du soleil pour Allah azza wa jal. Et personne ne l'empêche de manger, personne ne l'empêche de boire, si ce n'est sa taqwa, si ce n'est sa crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut aller se cacher, manger, boire et faire croire aux gens qu'il jeûne. Pour ça que cette action-là, elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'a dit Allah dans le hadith Qudusi ? As-siyamu li, le jeûne est pour moi. Et c'est la seule action qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribuée. Pour ça que même certains savants ont dit que le siyam, il est mieux que la salat de ce point de vue-là. Mais Allah, l'homme le plus authentique, c'est que la prière est la meilleure action dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, as-siyam, c'est une madrasa, c'est une école, notamment le jeûne de mois de Ramadan qui va durer un mois et pendant laquelle les gens vont être des différents degrés. Et les salafs, rahimahumullah, pendant ce mois-là, ils avaient une manière d'être, une manière de l'aborder. Tout comme il y a le jeûne en délaissant les mufattirat, en délaissant la boisson, la nourriture et le rapport charnel, il y a aussi le jeûne de l'œil, le jeûne de l'oreille, le jeûne de la main, le jeûne du pied, le jeûne de la langue. Et les salafs, rahimahumullah, faisait très attention à délaisser le péché durant toute l'année, mais de manière encore plus prononcée pendant le mois de Ramadan. Et il s'enfermait parfois dans les mosquées, comme c'est rapporté dans certains récits, afin de pouvoir préserver leur jeûne. Et délaisser toutes les causes qui peuvent les amener à parler sur les gens, à faire riba, à parler sur quelqu'un, à calomnier, pour pouvoir préserver le jeûne. Car la récompense est immense. Bihaoulillahi azza wa jal. Quelle est-elle ? Tu es pardonné de tous tes péchés. Bi'iznillahi azza wa jal. Wa ramadan ou ila ramadan, dans le hadith. Mukaffiratun lima baynahun, idha jtunibatil kaba'ir. Ça pardonne tout ce qu'il y a entre les deux ramadan, si, bi'iznillahi azza wa jal, les grands péchés ont été délaissés. Et aussi, il délaissait même les salafs, rahimahumullah, talab l'ilm, alors qu'ils faisaient ça toute l'année. Toute l'année, ils étaient dans la demande de la science. Mais lorsque le mois de ramadan arrivait, ils fermaient leurs livres de fiqh, de haqida, etc., de tafsir. Ils arrêtaient d'écrire le hadith. Et il s'adonnait désormais à l'adoration. Ceux qui avaient des cercles n'avaient plus de cercles pendant le mois de Ramadan. Il n'y avait plus le talab al-ilm et il s'adonnait. Mais ça, c'est pour celui qui vraiment demande la science toute l'année. Mais celui qui est jahil, il ne sait pas comment il doit prier. Il dit pendant tout le mois de Ramadan, je ne demande pas la science de la prière. Nous, on a même besoin parfois de la science du jeûne pendant le jeûne. On ne connaît même pas la science du jeûne. Parfois même en tawhid, il y a des gros khalal, des grosses failles au niveau du tawhid, au niveau du shirk. Donc ça, c'est pour des gens qui étaient des vrais salaf, rahmatullahi alayhim, qui étaient occupés dans la science toute l'année, de Shawwal jusqu'à Sha'ban. Mais pour nous, Allah alam, chacun connaît sa situation. Celui qui veut suivre les salaf dans cette voie-là, na'am, mais qu'il sache son niveau, il voit est-ce qu'il a besoin de science ou pas. Allah alam. Mais il faisait très attention donc à délaisser le péché. Et le musulman doit, bihaoulillahi azza wa jal, pendant cette période-là, faire l'effort d'augmenter en bonne action. Il faisait attention à toujours être au premier saf, à ne pas faire de prière en retard, sans parler de celui qui sort la prière. Celui qui sort la prière de son heure. Donc la prière à l'heure, c'est quelque chose qui est important, aussi le délaissement des péchés. Notamment beaucoup de musulmans, ça s'est observé aujourd'hui, par faiblesse de leur foi, faiblesse de leur mise en présence qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et que la mort peut arriver à n'importe quel moment, ils essaient de tuer leur temps comme ils le disent. Même si en réalité ils tuent leur hasanat par la télé par exemple, par la télévision, dont le hukm, on sait très bien, elle porte le hukm de ce qu'elle porte, donc c'est du haram à 90% dans ce que regardent aujourd'hui les musulmans. Et ils observent donc ce type d'émission, certains feuilletons qui sont des feuilletons de foussard, dans lesquels il y a du kufr même parfois, où on apprend à la femme à désobéir à son mari, on apprend aux enfants à désobéir aux parents. Les femmes sont mutabarrija, même les hommes sont devant avec leurs épouses à regarder ces émissions-là, dans lesquelles les femmes sont sans hijab, et même si elles étaient avec hijab, on n'a pas à regarder ce type d'émission-là. Donc les musulmans, pour beaucoup, vont passer leur mois de Ramadan devant ça. Et ça, hélas, c'est un grand gâchis. C'est pour ça que la personne, souvent, ne va pas acquérir la taqwa, qui était l'objectif de ce mois-là. Et on va voir l'intikas après l'Aïd. Après l'Aïd, souvent, certains se retournent sur leurs talons. On voyait qu'ils étaient à la mosquée tout le mois, et à la fin du mois, ils ne viennent plus après le mois de Ramadan. Certains ont mis la barbe pendant le mois de Ramadan, après l'Aïd, ils l'ont rasé. Certains ont mis le hijab pendant le mois de Ramadan, après l'ont enlevé. Car ils n'ont pas fourni un effort réel de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des efforts pour que leur nefs, leur âme bestiale, inshallah, soit docile et soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi parmi un des grands objectifs, donc, c'est tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme, purifier son âme. Et donc cette âme-là, il va falloir, cette nefs-là, il va falloir la domestiquer, il va falloir l'adoucir pendant ce mois-là. Et notamment par le fait de la priver de boissons, de nourriture et aussi du rapport charnel. Ça, c'est la base, c'est ce qu'on appelle al-ijza. Sifat al-ijza, c'est la qualité minimale requise donc de ce qui doit être délaissé pour que le jeûne soit accepté. Donc ça en soi-même, c'est déjà une purification de l'âme, l'abstinence de manger, boire et du rapport charnel. Mais en plus, celui qui s'abstient de parler sur les gens, bi-iznillah, il obtiendra cette qualité-là, incha'Allah. Celui qui s'abstient de regarder les femmes, c'est le moment de s'entraîner pour pouvoir, incha'Allah, arriver à avoir cette qualité qui est raddul basar. Baisser le regard devant les femmes, devant l'ajnabiyat, les femmes étrangères, celles qu'on n'a pas le droit de regarder, etc. Combien sont nombreux les péchés, celui qui s'exerce bi-idhnillah azzawajal pendant ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala bi-hawlillah azzawajal, et ça a été de manière pratique vécu par plusieurs, et les savants le disent, que celui, incha'Allah, qui est constant dans le délaissement de quelque chose, ou bien qui s'astreint aussi à une obéissance pendant tout le mois de Ramadan, bi-iznillah acquérera, inshallah, cette qualité-là. D'où at-tarawih aussi, qui est le fait de s'exercer à se lever la nuit. Et c'est une chose, inshallah, qui nous aidera à obtenir qiyam al-layl bi-hawlillah azza wa jal après le mois de Ramadan. Parmi aussi les actions importantes pendant le mois de Ramadan, c'est se consacrer beaucoup à la lecture du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu. Ça ne veut pas dire que pendant 23 ans, il n'est descendu que pendant le mois de Ramadan. Non, il est descendu aussi à d'autres moments. Mais c'est le premier nuzul, la première descente du Lawh al-Mahfouz, comme ça a été dit par Ibn Abbas, radiallahu anhu, « Ila bayt al-Izza » au niveau du ciel du dunya. Cette descente-là, c'est fait « Laylat al-Qadr ». Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Certes, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre lors de la nuit d'Al-Qadr. Donc, le Coran est descendu pendant cette nuit-là. Donc, tout ce mois-là, c'est un mois, subhanallah, et les gens le savent. Et c'est quelque chose qu'on observe, pendant lequel il est facile de lire le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi te donne, bi-iznillah, des futuhat rabbaniyah, des compréhensions de ce livre-là. Donc il faut faire l'effort, inshallah, de le lire. Et celui qui peut, yastashibu tafsirin hadha afdal, celui qui peut prendre un tafsir comme compagnon, c'est mieux aussi, khasatan pour nous. Surtout pour nous qui ne sommes pas arabophones et qui sommes ignorants de la langue du prophète, alayhi salatu wassalam, prendre un tafsir et méditer, inshallah, sur le Coran et le lire constamment. Et les salafs, leur biographie témoigne de cela. L'imam Shafi'i avait deux khatmas pendant le mois de Ramadan. Une la journée, une la nuit. Certains faisaient une khatma dans le mois, ça c'était pendant l'année. Après, ils passaient à une autre vitesse. Et certains arrivaient jusqu'à deux khatma. Certains arrivaient même à quatre, deux le jour, deux la nuit, pour pouvoir prendre beaucoup de bonnes actions. Mais celui qui veut méditer sur le contenu, il ne faut pas qu'il le lise en moins de trois jours, comme il est rapporté dans le hadith. « Man qara'a al-Qur'an fi aqalli min thalath lam yafqahu » Celui qui lit le Qur'an en moins de trois jours ne le comprend pas. Il a toujours les hasanat, pour chaque lettre il a dit hasanat, mais il n'a pas une compréhension comme s'il l'avait lu en trois jours ou plus. Donc les gens qui n'ont pour objectif que de s'abstenir de boire, manger, d'avoir des rapports, comme c'est le cas de beaucoup, et là c'est vous l'observez ça, haoula masakin, ce sont des gens, ils n'ont pas compris le sens du mois de Ramadan et ils vont passer à côté d'une grande occasion. Et il se peut même qu'ils n'aient aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils aient délaissé ces trois choses-là. Car il y a une différence entre al-ijza en termes de fiqh, c'est-à-dire l'acceptation jurisprudentielle, le faqih dit ton jeûne est authentique, et entre le fait que ton jeûne soit accepté, une fois qu'il s'est samawat, qu'au-dessus des sept cieux, Allah subhanahu wa ta'ala est accepté ce jeûne-là, et que yawm al-qiyama, tu le retrouves dans ta balance du côté des bonnes actions. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Tout comme dans la prière. La prière, le faqih, lorsque tu lui présentes ta prière, il te dit cette prière, elle est authentique. Tu as bien lu la fatiha, tu as bien fait le rukou, tu t'es bien relevé du rukou, tu t'es équilibré après le rukou, tu as bien fait le sujoud sur les sept parties osseuses, etc. Mais lui, le faqih, il ne sait pas que tu pensais à autre chose. Ma kunta ta'qilu minha shay'an. Tu ne te rappelles de rien de ta prière. Il ne le sait pas, ça. Donc cette prière-là, elle est mujzi'a dans le dunya. Le faqih, le savant, le mufti ne te dit pas, tu dois la refaire. Tout comme il dira à quelqu'un qui a oublié de lire la fatiha de la refaire, ou quelqu'un qui a fait sa prière sans ablution, lui dira aussi de la refaire. À toi, il ne te dira pas de la refaire. Mais tu n'auras pas de récompense, yawm al-qiyama, par rapport à cette salah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, certes, l'individu prie, et il n'a de récompense de sa prière que la moitié, ou bien le tiers, ou bien le quart, ou bien le cinquième, ou bien le sixième, ou bien le huitième, ou bien le dixième. La yuktabu lahu min salatihi illa ma'aqila minha. Il n'a pour récompense de sa prière que ce dont il se rappelle. De même le jeûne. Et les hadiths que l'on apporte là sont une preuve de cela. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, combien de jeûneurs n'ont de leur jeûne que la faim. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Et combien de personnes en veillées en prière n'ont de leur prière que as-sahar, que le fait d'avoir veillé. Rawahu Ahmad wa ibn Majah, le hadith rapporté par Ahmad ibn Majah. Wa anhu radiyallahu anhu, toujours selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' qawla az-zur wa al-amal bih, celui qui ne délaisse pas donc la parole de mensonge et agir par le mensonge, fa laysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Celui qui ne délaisse pas donc la parole de mensonge et l'acte par le mensonge, Allah n'a aucun besoin donc du fait que cette personne délaisse sa nourriture et sa boisson. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc ça, c'est une preuve que la personne n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient au texte d'Ibn Qudama, il a dit kitab ou siyam. Donc le mot kitab, on revient à kitab al-tahara pour avoir l'explication. As-siyam, on a expliqué donc le sens linguistique ainsi que le sens législatif. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, wa yajibu siyam wa ramadan. Et le jeûne de Ramadan est obligatoire. Yajibu, donc le mot wajib, on avait expliqué ça aussi dans Kitab al-Tahara. Le mot wajib dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut nous le dire? Qui peut nous dire le mot wajib dans la langue arabe? Qu'est-ce que ça veut dire? Obligation. Dans la langue arabe, avant le sens législatif. Ceux qui étaient au dars du dimanche peuvent répondre Allah. Al-wajib fil lugha al-arabiyya huwa as-saqit. الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. الله سبحانه وتعالى في سورة الحج parle de la chamelle lorsqu'on lui a fait le nahr. Il dit فإذا وجبت جنوبها, et lorsque ses flancs sont tombés, donc lorsque la chamelle est tombée au sol. هذا بالمعنى اللغوي, ça c'est le sens linguistique. وفي الشرع الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما, c'est ce que le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, الشارع هذا من باب الإخبار ليس من باب الاسم, ما أمر به الشارع, ce que le législateur a ordonné d'une manière tranchée. Et quand on dit le législateur ici, c'est un إخبار, on informe qu'Allah est le législateur. Ça ne veut pas dire que c'est un nom, un ism, un nom propre. Ça ne veut pas dire que c'est un ism min asma illah azza wa jalla. Tu ne peux pas dire Abdu الشارع, appeler quelqu'un comme ça. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le wajib, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'une manière tranchée. Alors que le recommandé, le mustahab, le mandoub, le masnoun, ma amara bihi shari'u amran ghayra jazimin. C'est ce que le législateur a ordonné d'une manière non tranchée. Donc l'imam ici, Ibn Qudama, nous dit wa yajibu siyam ramadan. Donc le jeûne du mois de ramadan est obligatoire. C'est même un pilier, rukn min arkani l'islam. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Selon le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhu, que vous connaissez, Bunya al-Islam ala khams. L'islam a été donc fondé sur cinq choses. Shahadati an la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqami salah, et l'accomplissement de la prière, wa ita'i zakah, et le fait de donner la zakat, wa sawmi ramadan, et le fait de jeûner le mois de ramadan, wa hajjil bayti liman istata'a ilayhi sabila, et le pèlerinage à la maison pour celui qui en a les moyens. Donc c'est un rukn, un pilier, selon l'ijma', le consensus, donc des savants. وَمَنْ تَرَكَهُ Celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan, فَاسِقٌ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى الرَّاجِحِ Inch'Allah, il est fasiq. مَعَ أَنَّ بَعْدَ الْعُلَمَا يُكَفِّرُونَ Certains savants, يُكَفِّرُونَ بِتَرْكِ السِّيَامِ Ils disent que celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan est kafir. Certains savants, certains salafs, يُكَفِّرُونَ بِكُلِ الْأَرْكَانِ Ils font sortir de l'islam par n'importe quel pilier. La shahada, c'est clair, بِالْإِجْمَعِ La salat, il y a khilaf. Al-rajih, le plus authentique, c'est que celui qui délaisse la prière est un kafir. Il y a l'ijma' des sahaba radiyallahu anhum. Et le nas, le texte du prophète alayhi salatu wassalam, bayna al-rajuli wa shirki wa al-kufri tarku salat. Entre l'individu et l'associationnisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat fa man tarakaha faqad kafar. Donc le contrat qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a certes mécru. Et ça, c'est la parole la plus authentique. La parole disant que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant existe. Elle a ses preuves. Allah a'lam l'ijma' des sahaba notamment. Il y a plus de 10 compagnons qui disent que celui qui délaisse la prière est kafir. Ishaq ibn Rahouya aussi rapporte le ijma' que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Il dit depuis l'époque des compagnons jusqu'à la sienne, et lui c'est un savant du deuxième siècle, il dit rahmatullah alayhi qu'il y a ijma'. Fallah alam, le plus authentique, c'est que celui qui délaisse la prière mécréant. Concernant le jeûne, bi'iznillah, la parole que l'on suit, c'est qu'il n'est pas mécréant, mais il faut savoir que certains s'élèvent, donc taxe de mécréant celui qui délaisse le jeûne, ou bien la zakat, ou bien même al-hajj. Liqawlillahi azza wa jal, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin, par rapport au hajj, Allah dit dans surat al-imran, et celui, wa man kafara, celui qui fait preuve de mécréance, ici c'est kufr duna kufr, donc selon la parole que l'on suit, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah se passe des mondes. وَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ Et celui qui dit, donc le mois de Ramadan, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligé. Celui-là, il est mécréant. Celui-là, il est mécréant, sauf dans deux cas. Sauf dans deux cas, celui qui vient d'entrer récemment en islam, il ne devient pas mécréant jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. Et aussi celui qui est فِي بَعِدِيَةٍ بَعِيدًا Celui qui est dans une contrée éloignée, coupée de la science et qui ne peut pas avoir contact à la science, celui-là aussi, il n'est pas kafir pour cette raison-là. Parce que le fait de dire que le mois de Ramadan, le jeûne de Ramadan n'est pas une obligation, ça c'est un takdhib, li sarih al-Qur'an wa sunnah. Ça c'est taxé de mensonge, le Qur'an et la sunnah. Mais si l'information n'est pas arrivée à la personne, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant s'il est musulman et qu'il est mouahid. C'est musulman, il est que le mouahid. Parce que ça, ça n'entre pas dans la composition du tawhid de manière directe. En quelle année est-ce que le jeûne du mois de Ramadan, donc il a été légiféré? Donc le mois de Ramadan, on a dit que c'est une obligation. Selon l'ijma', il y a consensus que jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation. En quelle année? C'est la deuxième année. Selon le consensus aussi des savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné 9 mois de Ramadan. Le jeûne, de manière générale, le jeûne obligatoire a été légiféré donc de manière graduelle. Première étape, ça a été le jour de Ashura. Le jour de Ashura était obligatoire. Deuxième étape, c'était le mois de Ramadan, mais avec l'irtiyar, avec le choix. Celui qui veut jeûner, jeûne. Et celui qui veut donner à manger à la place donc, du jeûne, il donnait donc pour chaque jour à manger. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladhina yutiqunahu, et pour ceux qui en sont capables, fidyatu ta'ami masakin. Donc comme rachat, il donne à manger à un pauvre. Et celui qui donne plus que à manger à un pauvre, il donne plus que ça, c'est mieux pour lui. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous si vous saviez. Donc le jeûne était quand même mieux que donner à manger à un pauvre pour pouvoir donc ne pas jeûner. Et ensuite, il y a eu l'obligation, ça a été abrogé, il y a eu l'obligation du mois de Ramadan en troisième étape, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui qui voit parmi vous le mois, donc qu'il jeûne. Et après, il a fait la dérogation. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Et celui qui est en voyage, celui qui est malade ou en voyage, donc il rattrapera ces jours-là ensuite, comme on va le voir, inshallah, après en détail. Est-ce qu'il est permis de dire Ramadan sans dire شهر رمضان? Certains fuqaha ont dit que ce n'est pas permis de dire Ramadan sans dire le mot shahr avec shahr Ramadan. Ça, on le trouve dans certains madhahib. Allah alam, c'est que c'est permis, ce qui est authentique, parce que la sunna a montré que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ramadan dans le hadith concernant Shawwal, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal, celui qui jeûne Ramadan, il n'a pas dit le mois de Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours de shawwal. Aussi man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui jeûne Ramadan par foi wa ihtisaban, en espérant la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ce qui a précédé donc comme péché lui sera pardonné. Et il y a un hadith qui est batil mawdou', mensonger, comme a dit Ibn Taymiyyah, le même Shawkani l'a rapporté dans son livre de hadith mensonger Al-Fawa'id Al-Majmu'a. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un livre de hadith mensonger, c'est un livre où il a réuni les hadiths qui sont mensongers, et d'autres savants aussi l'ont qualifié de mensonger, dans lequel donc il est dit, mais ce n'est pas le prophète alayhi salatu wa salam qui a dit ça, la taqulu ramadan fa inna ramadana ismun min asma'illah walakin qulu shahra ramadan, ne dites pas ramadan car ramadan est un nom parmi les noms d'Allah, mais dites plutôt شهر رمضان. الحديث الموضوع. أنواع الصيام. Les différents types de صيام. Les différents types de jeûne. Les types de jeûne sont au nombre de trois. Le premier واجبون بأصل الشرع. Le premier, il est obligatoire par la législation même à la base. Et ça, c'est un seul type de jeûne. C'est le jeûne du mois de Ramadan. هذا il est واجب بأصل الشرع. Le شرع à la base l'a rendu واجب. L'a rendu obligatoire. On a la deuxième catégorie, wajibun, lakin laysa bi asli shara, ibtida'an. Il est wajib, mais pas à la base par la législation. C'est parce qu'il y a une cause qui fait qu'il est devenu wajib. Et ça, c'est deux catégories, c'est siyamu nadr. Donc le nadr, celui qui fait le vœu, la promesse, il dit lillahi alayya in a'tani waladan an asuma shahran. Donc Allah a comme droit sur moi, si jamais il me donne un enfant, que je jeûne un mois. Si Allah lui donne, donc l'enfant, il doit jeûner un mois. Et ça, on avait vu que c'est soit makruh, soit muharram. Soit c'est détestable, soit c'est interdit, le nadr. Mais une fois qu'il a été contracté, il devient wajib. Il devient wajib, comme salam. Est-ce que ce jeûne, il est wajib asli shara? Est-ce qu'à la base, dans la législation, il est obligatoire? Non. Mais la personne se l'est rendu obligatoire. Après, il y a aussi siyam ou kafarat. Le siyam, donc, pour expier une faute. Qui est étudié donc dans les portes de fiqh, comme celui qui a par exemple eu un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan. Donc première catégorie de jeûne, le jeûne obligatoire, à la base dans la législation il est obligatoire. La deuxième catégorie, c'est le jeûne obligatoire, mais à la base il n'est pas obligatoire dans la législation, mais une cause est venue le rendre obligatoire. Ce sont deux catégories, le jeûne du nadr et le jeûne des kafarat, donc pour rattraper une faute, une erreur. Ensuite il y a le siyam mandoub, il y a le siyam qui est donc recommandé. Et là, il y a deux catégories. Il y a le mutlaq, il y a celui qui est recommandé de manière absolue, jeûner un jeûne comme ça. Il y a celui qui est muqayyid, le lundi, le jeudi, les 14, 15, 16, 13, 14, 15, à fond, le jeûne des nuits blanches, le jeûne de Ashura. Ces jeûnes-là, ce sont des jeûnes qui sont mandoub, qui sont sunnah, mais qui sont spécifiques, cités dans des hadiths en leur nom. Donc on revient à l'expression du Cheikh Ibn Qudama rahmatullah alayhi, il a dit wajibu siyam Ramadan. Donc le jeûne de Ramadan est obligatoire ala kulli muslimin, pour tout musulman. Donc ici il va commencer à nous donner les catégories de gens qui sont donc interpellés par cette obligation là. Car tout le monde n'est pas interpellé par cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra qu'il y a des catégories donc qui sont exemptées. Et il va, on va les définir inshallah. Donc il dit wajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman. Pour tout musulman. Les fuqaha, quand ils disent ça, ils ne veulent pas dire que le kafir, il ne lui est pas ordonné de faire le jeûne du mois de Ramadan. En réalité, l'ordre s'oriente aux mécréants. Et ça, c'est un point que dans Usul Fiqh sur lequel divergent les savants, mais le rajih, ce qui est le plus authentique et c'est l'avis sur lequel aujourd'hui quasiment tous les savants sont en accord, c'est que al-kuffar mukhatabun bi furu'i shari'a, que les mécréants sont interpellés par les ramifications donc de la sharia. Quand on veut dire ici ramification, c'est ce qui est en dehors donc du tawhid de la aqida. La salat entre ici dans le furu', dans ce contexte-là, entre dans les ramifications. Et quelle est la preuve que les mécréants sont interpellés par cela? C'est qu'ils seront châtiés dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le montre dans Surat Al-Mudathir, « قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ » Ils dirent « Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans Saqar ?»« مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ » Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans Saqar, qui est un endroit de l'enfer ?« قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ » Ils diront « Nous ne faisions pas partie des prieurs. » Et nous ne donnions pas à manger donc aux pauvres. Donc ils vont être châtiés par leur délaissement de la prière. Bien qu'ils n'avaient pas le tawhid. Pourquoi? C'était des koufars. C'était des mécréants. Et ils seront châtiés par le délaissement de la prière. Donc quand il dit ici, voyagibu siyamu ramadan ala kulli muslim, pour tout musulman, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas obligatoire pour le mécréant. Mais on n'en parle même pas, parce que tant qu'il n'a pas réalisé le tawhid, il est inutile pour lui de jeûner. Il est inutile pour lui de jeûner. Et telle était la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'ordonnait pas aux gens de faire des ramifications avant d'avoir réalisé le tawhid. Et d'ailleurs, lorsqu'il a envoyé Mu'ad radiyallahu anhu au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il y a de divinité qu'Allah, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, et que Muhammad est le messager d'Allah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Et s'ils jamais t'obéissent à cela, c'est-à-dire au tawhid al shahada, informe-les alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pour obligatoire 5 prières de jour et de nuit. Donc tant qu'il n'y a pas eu acceptation du tawhid, on ne propose pas la salat ni le jeûne ou autre. Certaines règles par rapport à l'islam de la personne. Celui qui rentre en islam pendant le mois de Ramadan. Celui qui rentre en islam pendant le mois de Ramadan. Lui, il y a deux cas. Soit il va rentrer la nuit en islam, donc après le ghuroub. Donc lui, le lendemain, il est obligatoire pour lui de jeûner. Il est obligatoire. Et huna ou akidu alashay. Ici, j'insiste sur quelque chose, sur une fausse hikma que certains comprennent et adoptent dans la da'wah. Il est obligatoire pour cette personne de jeûner. Wa huwa athimun s'il ne jeûne pas. Tout comme il est obligatoire pour lui lorsqu'il a fait la shahada de prier. D'ailleurs, s'il ne prie pas après sa shahada, il sort de l'islam. Car l'islam, c'est le muslim, c'est quoi? Celui qui prononce les deux attestations de foi et qui applique les implications de cette shahada. Et parmi les plus grandes implications, c'est la prière. Donc cette personne, lorsqu'il est rentré en islam pendant le mois de Ramadan, on lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan afin qu'il puisse jeûner. Et est-ce qu'il doit rattraper ce qu'il y a avant? Qui peut répondre? Est-ce qu'il doit rattraper les jeunes? Il y a divergence et fouqaha, mais pour nous, quelle va être la réponse par rapport à quoi? Oui, de rattraper le jeûne qu'il n'a pas fait. Oui, les jours. Oui, de rattraper. Non, mais t'es kafir, il est rentré en islam. C'est pour ça que la parole de Tariq Salah et Kafir, elle en arrange beaucoup une fois qu'ils sont rentrés dans le din. Avant le din, ils impactent, ils leur disent t'es Kafir. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le din, on dit dans le Madhab Maliki, tu dois rattraper toutes tes salades depuis la puberté. Ah, c'est bon, je deviens Hanbali, Kafir moi. C'est bon, j'étais Kafir. Donc le Takfir Tariq Salah, elle a son intérêt suivant la période. Donc ça, c'est celui qui rentre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala après le ghuroub, après le coucher du soleil. Donc il se met à jeûner dès le lendemain, il ne rattrape pas ce qu'il y avait précédemment parce qu'il était mécréant. Si jamais il entre en islam pendant le jour, il doit s'abstenir le reste de sa journée. Une fois qu'il est rentré en islam, donc il a prononcé l'attestation deux fois, il doit s'arrêter le reste de sa journée. Et est-ce qu'il doit rattraper cette journée-là selon le madhhab Hanbali? Na'am. Selon le mazhab Hanbali, Na'am. Et Ibn Qudama al-Maqdisi, l'auteur de notre texte Al-Umda, lui aussi dit que ça, il doit rattraper cette journée-là. Et d'autres disent que non, Allah Alim, Ibn Taymiyyah a dit qu'il ne doit pas rattraper. Même parmi les contemporains, Shaykh al-Uthaymeen dit qu'il ne doit pas rattraper. Allah Alim, l'ilmu indallah. Allah Alim. Mais il paraît fort qu'il ne doit pas rattraper. Parce qu'il est entré en islam, il n'était pas mukhatab avant. Et ce qui relève de sa responsabilité maintenant, c'est de s'abstenir le reste de la journée. Mais avant, il n'y a pas plus de raison qu'on lui dise de rattraper cette journée-là que lui dire de rattraper ce qu'il y avait avant comme, tout, comme autre journée. Allah Alim. Il y a quand même les deux paroles. S'il veut rattraper par précaution, qu'il le fasse. Allah Alim. Donc l'imam Ibn Qudam a dit « وَيَجِبُ صِيَمُ رَمَدَانِ » Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire « عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ » Pour tout musulman, « بَالِغِينَ pubère, بَالِغِينَ pubère. Donc « الْبُلُور » c'est la puberté. « وَهُوَ الْإِنْتِقَالِ » الْبُلُور « الْإِنْتِقَالِ مِنْ طَوْرِ السِّبَى إِلَى طَوْرِ الْحُلُمِ » Donc c'est le déplacement de l'enfance vers la puberté. Lorsque la personne passe dans la puberté, on dit « c'est quelqu'un qui est devenu donc mukallaf. Il est responsable et il est interpellé par les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui n'est pas pubère, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner le mois de Ramadan. Mais il est bien, comme on va le voir, de le motiver et l'exercer à jeûner comme faisaient les salafs avec leurs enfants, rahmatullah alayhim. Donc quel est le hadith qui prouve que l'enfant donc, est extrait des gens qui sont obligés de jeûner? C'est le hadith suivant, le hadith d'Ali radiyallahu anhu. Ça, c'est des hadiths qui sont des hadiths de fondement qu'il faut essayer d'apprendre, du moins par la répétition, inshallah, d'intégrer. An Ali radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal rufi'a al-qalamu an thalatha. La plume, donc, n'est pas en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de teklif par rapport à trois personnes. Donc, trois personnes ne sont pas interpellé donc par les ordres interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ani an-na'imi hatta yastayqidh. Donc celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Wa ani as-sabi hatta yahtalim. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Wa ani al-majnun hatta ya'qil. Et le fou, celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce qu'il reprenne sa raison. Rawahu al-khamsa wa lafdhu li Abi Daoud, rapporté par les cinq. Qui nous dit les cinq? C'est qui les cinq? On l'a dit tout à l'heure. Qui sont les cinq? Les cinq, c'est qui? Bismillah. Tirmidhi. Abu Daoud. Abu Daoud. Nasa'i. Ibn Majah. Ibn Majah. Ahmed ibn Hanbal. Ahmed. Naam. Ça, c'est les cinq. Un petit peu désordre, mais c'est bon. C'est les cinq. Les quatre des Sunan. Naam. Ahmed, tu le mets devant, si tu veux, tu le mets après. Mais tu ne le mets pas à l'intérieur des Sunan. Majoritairement, on dit An-Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah. Naam, on donnait le hadith donc de Ali radiallahu anhu. Donc la plume, rufi'a, n'est pas en fonctionnement, c'est-à-dire il n'y a pas de responsabilité pour trois personnes, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il reprenne la raison, rapportée par les cinq. Et ça, c'est le lafd de l'expression de Abu Daoud. Bon, al-boulour, la puberté, par quoi est-ce qu'on reconnaît la puberté? Alamat al-boulour. Pour le garçon, wahidun min thalath. Pour le garçon, c'est une notion des trois notions suivantes. La première, itmamu khamsata asharata sana. La première, c'est qu'il termine, qu'il complète 15 ans. Il finit ses 15 ans, il entre dans la 16e année. Ça, c'est un signe de puberté, même s'il n'y a pas eu les autres signes. Donc une fois qu'une personne a fini ses 15 ans, qu'il entre dans la 16e année, tout de suite il devient pubère, qu'il soit garçon ou fille. Deuxième, inbatu sha'ri al-khashini hawl al-ana. C'est lorsqu'il a des poils durs. Donc les petits poils qui existent déjà à la base, car déjà dans cette base-là, il y a des poils, comme il y en a dans tout le corps, ou bien des petits poils doux, ça n'entre pas en compte. On prend en compte les poils durs qui poussent autour du pubis. Ça, c'est le deuxième signe, pour le garçon comme pour la fille. Mais là, pour l'instant, on est au garçon. Donc, premier signe, il a fini ses 15 ans, il va entrer. Donc il entre dans la 16e. Deuxième, c'est qu'il a des poils qui poussent autour du pubis. Troisième signe, c'est inzalul mani bi shahwa. C'est la sortie de sperme avec plaisir. Qu'elle se fasse en état d'éveil ou bien pendant le sommeil. Donc ça, ce sont les trois signes pour le garçon. L'un des trois suffit. L'un des trois suffit. Concernant la fille, ce sont les trois précédents. Et on ajoute al-haid. on ajoute al-hayd, donc les menstrues. Et aussi on ajoute al-haml, donc si jamais elle tombe enceinte, même si elle n'a pas eu de hayd. Mais ce n'est pas un signe en soi-même, c'est parce que لازمه أن هناك إنزال قبل. L'implication de ça, c'est qu'en réalité, elle est dans sa période. Elle est devenue pubère par les menstrues. Elle est tombée enceinte juste après, il n'y a pas eu encore écoulement. Donc elle est pubère par ce signe-là, qui n'en est pas un en lui-même, mais parce qu'il implique, wallahu a'lam, qu'il y a menstrues. Bon, les preuves de cela. Concernant l'âge, 15 ans, An ibn Umar radiallahu anhuma qal. Normalement, ça, on le voit dans la salate, mais nous, comme on n'a pas fait la porte de la salate, j'ai apporté les délits. Mais normalement, on renvoie toujours la personne à la porte de la prière, car ça, on le voit dans la prière. Ces conditions-là, on les voit normalement dans la porte de la prière. Ibn Umar radiallahu anhu maqal, Uridtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin wa ana ibn arba'a asharata sana. فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأمر فأجازني رواه مسلم وابن ماجه والترمذي واللفظ لابن ماجه وفي رواية لابن حبان ولم يرني بلغت. Donc Ibn Umar رضي الله عنه m'a dit, j'ai été proposé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud alors que j'avais 14 ans et il ne m'a pas donné l'autorisation, donc pour partir au jihad. Donc les enfants à l'époque à 14 ans, ils étaient prêts à partir pour défendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uritu alayhi yawm al-khandaq, et le jour donc des tranchées, je lui ai été proposé alors que j'avais 15 ans. Fa ajazani, il m'a donné l'autorisation et il a combattu radiyallahu anhuma Ibn Umar. Le hadith est rapporté par Muslim Ibn Majah Tirmidhi, et ça c'est l'expression d'Ibn Majah. Dans Sahih Muslim, c'est aradani, c'est pas uritu. Wa fi riwayat Ibn Hibban, chez Ibn Hibban, on a un rajout qui dit « Walam yarani balart ». Et le prophète ﷺ avait vu, donc il voyait que je n'étais pas encore pubère. Donc à 14 ans, il ne l'a pas pris. À 15 ans, il l'a pris, ce qui prouve. Donc c'est l'âge qui est pris en considération pour juger quelqu'un comme quoi il est pubère. « Al-inbet », la preuve que le fait que les poils poussent autour du pubis sont aussi un signe. Donc ça c'est pour le garçon et pour la fille. Le signe précédent, les 15 ans, il y a divergence là-dessus. 15 ans, il y a divergence là-dessus. Par exemple, Ibn Ashir dit, Madame Maliki, dit 17 ans dans son poème. Mais Inch'Allah, le Mu'tabar, c'est ça par rapport au délil d'Ibn Omar. Et là aussi, le fait que les poils poussent autour des parties, ça aussi, il y a divergence là-dessus. Le Haïd, il y a Ijma', le menstru. Le Meni, le sperme, il y a Ijma' dessus. Là, on va s'appuyer sur le hadith de Atiyah al-Quradi. Al-Quradi, donc, il était de Bani Quraïda, qui étaient des juifs que le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez, avait donc châtié en les tuant, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils avaient trahi le prophète, alayhi salatu wassalam, à la bataille de Khandaq. Ils avaient comme contrat de ne laisser passer personne par l'endroit où ils étaient pour pouvoir atteindre Médine, et ils ont trahi le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ensuite, il les a attaqué et tué, sallallahu alayhi wa sallam. Que dit Atiyah al-Quradi, qui faisait partie donc des gens de Bani Quraïda? Il dit « Kuntu min sebi Bani Quraïda ». J'étais parmi les prisonniers de Bani Quraïda. « Fakanu yandhurun ». Donc les sahabas regardaient. Ils regardaient. « Faman anbata sha'ra kutila ». Celui qui avait des poils, il le tuait. « Waman lam yunbit lam yuqtal ». Et celui qui n'avait pas de poils, il ne le tuait pas. « Fakuntu fiman lam yunbat ». Rawahul Khamsa, rapporté par les cinq. Donc lorsqu'il doutait, c'est un enfant ou pas, il regardait, il voyait les poils, il tuait. Et pas de poils, t'es libre. Lui, il était dans celui qui n'avait pas de poils. Thumma aslam, Allah akbar. Akramahu Allah, subhanahu wa ta'ala. Rapporté par les cinq. Qui sont les cinq? Ah, ça fait troisième fois là. C'est qui les cinq? Mais t'en donnes qu'un au moins. Ahmed, Nasaï, Tirmidhi, Ibn Majah et... Il reste qu'un. Mashallah. Donc en lien avec la puberté, le statut de celui qui devient pubère pendant la journée. Donc une fille, elle a son écoulement de sang pendant la journée de Ramadan. Elle est encore petite fille, elle était encore dans l'enfance, elle est devenue pubère pendant la journée. Ou un garçon, il a eu une éjaculation alors qu'il n'en avait jamais eu pendant la journée. Quel est le statut? Donc il y a une forte divergence. Nous, on va prendre la parole d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, biiznillah azza wa jalla. Donc il est obligé donc de s'arrêter de manger, sauf pour le haïd, sauf pour celle qui est en état de menstrue, parce qu'elle, elle en menstrue, elle ne doit pas s'abstenir. Mais si le garçon, par exemple, a une éjaculation, il doit s'abstenir de manger jusqu'à Ghurub Shams, mais il ne rattrape pas cette journée-là. Wallah a'lam. Donc celui qui atteint la puberté pendant la journée, il doit s'arrêter de manger jusqu'à la fin de la journée, mais il ne doit pas rattraper cette journée-là. Il ne la rattrape pas parce qu'il n'était pas mukallaf avant. Donc là, il a fait ce qui lui est demandé, c'est de s'abstenir. Et l'abstention de quoi on l'apprend? On l'apprend du hadith de Ashura. Lorsque le jour de Ashura a été rendu obligatoire, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui le jeûnait, qu'il continue son jeûne, et que celui qui ce matin était donc en état de rupture, qu'il s'abstienne donc cette journée-là. Alors que les gens avaient commencé la journée en ayant mangé, et ils n'étaient pas donc demandé pour eux de jeûner. Mais lorsque le jeûne obligatoire est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: vous pouvez continuer à manger. Non, il a demandé aux gens de s'abstenir. Allah a'lam. Donc il dit: ala kulli muslimin, pour tout musulman, balirin, puber, aqilin, donc possédant la raison. Donc par la raison, on va sortir une catégorie qui est le majnoun. Quel est le dalil? Le hadith de Ali radiallahu anhu qu'on a cité tout à l'heure, la plume donc ne fonctionne pas pour trois personnes. Et il y avait dedans le fou jusqu'à ce qu'il reprenne donc ses esprits, sa raison. Et la divergence par rapport à celui qui reprend la raison pendant le mois de Ramadan, quelqu'un qui était fou et reprend sa raison en cours de journée de Ramadan, c'est la même divergence. Fallah alam, il ne rattrape pas sa journée, mais il doit s'abstenir de manger jusqu'au ghurub, jusqu'au coucher du soleil. Wallah alam. Qadirun ala sawm, capable de jeûner. Capable de jeûner. Ça, c'est une autre condition pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire. Première condition, musulman. Balir, en état de puberté. Aqil, possédant la raison. Qadir ala sawm, capable donc de jeûner. Donc on va sortir quoi? Al-ajiz, l'incapable. On va sortir celui qui n'est pas capable de jeûner. Quelles sont les preuves de cela? Dans le Coran et la Sunna, nous avons des textes par rapport à cela. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que ce qu'elle peut supporter. Celui-là ne peut pas supporter le jeûne, donc il ne jeûne pas. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Celui-là ne peut pas jeûner, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demande pas. Ça, c'est des textes aussi qui sont des fondements qu'il faut apprendre par cœur et connaître, inshallah. Et dans le hadith, on a rapporté dans le dernier dars sur le ghusl, sur le bain rituel, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Et lorsque je vous ordonne quelque chose, lorsque je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez. Donc celui qui n'est pas capable de jeûner, il est exempté. D'autres savants rajoutent comme condition al-muqim, celui qui est en état de résidence. On le trouve dans Zad al-Mustaqni', un autre texte du madame Hanbali. Ici, il n'a pas rapporté l'imam Ibn Qudama, mais c'est une condition aussi, al-muqim. Car le musafir, il a le choix, s'il veut, de prendre la rukhsa et de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Donc al-muqim, aussi al-iqama, c'est une condition. Wa yu'maru bihi as-sabiyu idha ataqah. Et l'enfant, donc il lui a ordonné, donc, c'est-à-dire son wali, son responsable, lui ordonne de jeûner, idha ataqah, s'il en est capable. S'il en est capable. Est-ce que le wali est obligé de lui ordonner de jeûner? Non, il n'est pas obligé. Donc le wali, il n'est pas obligé de lui ordonner. Mais c'est mustahab, c'est recommandé. C'est recommandé, car c'était le hadith, c'était la voix des salafs, rahmatullah alayhim. Il y a un hadith par rapport à ça, le hadith de Rabi' binti Mu'awwidh, radiyallahu anha. Elle dit, donc par rapport au jour de Ashura, elle ne parle pas par rapport au mois de Ramadan, elle parle du jour de Ashura. Lorsqu'ils sont arrivés, elle dit à Médine, et les gens jeûnaient donc le jour de Ashura, on avait dit qu'il était obligatoire au début, فَكُنَّا نَصَوْمُهُ, nous le jeûnions, وَنُصَوِّمُ صِبِيَانَنَا, et on faisait jeûner nos enfants. صِبِيَانَنَا, c'est le pluriel de sabi. وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ, et on leur donnait un jeu, un jouet, avec des l'ihn, Allah alam, des ficelles. فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ, et lorsque l'un d'entre eux pleurait parce qu'il voulait manger, c'est un enfant, il pleure, il dit: je veux manger. أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ, on lui donnait ce jeu-là. حَتَى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ, jusqu'à ce qu'il reste, il patiente jusqu'au coucher du soleil. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc c'est recommandé. Hein, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire pour le wali, mais c'est fortement recommandé. Est-ce qu'on doit frapper l'enfant s'il ne veut pas jeûner à partir de 10 ans, comme il est ordonné pour la prière? Non. Certains fuqaha, notamment dans le madhhab Hanbali, ont dit oui, hein, en qiyas par rapport à la prière, mais le texte est venu par rapport à la prière. وَضَرِبُوهُمْ لِعَشَرِينَ وَضَرِبُوهُمْ عَلَيْهَا est appelé par rapport à la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Mais ce n'est pas légiféré pour le jeûne, car le jeûne donc n'est pas obligatoire pour lui. Et la prière, elle a son propre statut. Elle n'est pas non plus obligatoire pour lui à l'âge de 10 ans, mais c'est par éducation que le wali doit être ferme par rapport à la prière de son enfant. Mais concernant le jeûne, non. Donc ceux qui ont fait le qiyas, wallahu a'lam, ce n'est pas un avis authentique, wa l'ilmu indallah, car le shara n'a pas apporté de preuves par rapport à cela. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, donc là il va passer l'imam Ibn Qudama aux signes qui permettent de juger de l'entrée du mois de Ramadan. Donc on est dans le mois de Sha'ban. Quels sont les signes qui vont permettre aux musulmans de juger de l'entrée du mois de Ramadan? Il dit وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلَثَةِ أَشْيَاءَ. Donc le mois de Ramadan devient obligatoire par trois choses. كَمَالِ شَعْبَن. Donc la complétude du mois de Sha'ban, c'est-à-dire 30 jours. 30 jours. وَرُؤِيَةِ هِلَالِ Ramadan. Il dit ou bien la vision du croissant de lune, du croissant de lune de Ramadan. Donc ça c'est le premier cas, le troisième on va le voir après. Donc كَمَالِ شَعْبَن, que le mois de Sha'ban se termine. Quand est-ce qu'on regarde ça? Là, tous ces signes que l'on recherche, le 29e jour de Sha'ban, le 29e jour de Sha'ban, le soleil va se coucher. On va entrer dans la nuit du 30. Dans la nuit du 30. C'est là qu'on regarde le Hillel. C'est là qu'on cherche et que les gens sortent et regardent le ciel pour voir le Hillel, le croissant de lune. Et on va voir qu'est-ce que le Hillel ici. Quel est le Hillel que nous cherchons. Donc les gens sortent après le ghuroub, ils regardent le ciel. S'ils voient le Hillel, donc le lendemain, c'est le mois de Ramadan. S'ils ne le voient pas, on rajoute le 30e jour. On rajoute le 30e jour. Il dit lui donc, le premier signe par lequel on juge que demain c'est le mois de Ramadan, c'est lorsque donc on a jugé que dans Sha'ban il y avait 30 jours, donc on n'avait pas vu le 29e jour. La nuit entre le 29 et 30, la nuit du 30, qui se trouve entre le 29 et le 30. Donc on n'a pas vu le Hillel, on a rajouté le 30e jour de Sha'ban. Le 30e jour de Sha'ban, le lendemain, obligatoirement, c'est le mois de Ramadan, car il n'y a pas de mois lunaire qui font 31 jours. Ça, c'est le premier signe. C'est donc compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Le deuxième, c'est le fait de voir le Hillel. Le mot Hillel, il est utilisé chez les fuqaha pour les trois premiers jours. Le premier jour c'est Hillel, deuxième jour c'est Hillel, troisième jour c'est Hillel, quatrième jour et plus c'est Qamar. C'est Qamar. D'autres fuqaha disent d'autres paroles, ils vont plus loin, 5, 6, 7 jours, etc. Mais la majorité des fuqaha c'est 3 jours. Le mot Hillel, après on dit un Qamar. On ne dit pas quatrième nuit, ça c'est le Hillel, non. Donc Allah a'lam, la dua du Hillel, du prophète alayhi salatu salam, elle se fait pour les trois premiers jours. Croissant de lune au bout de 10 jours, on ne dit pas Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. On ne fait pas la dua du Hillel au-delà du troisième jour. Donc le fait de voir le croissant de lune, le fait de le voir, ça aussi, donc c'est un signe qu'on est entré dans le mois de Ramadan. Donc le 29e jour, après le ghuroub, on entre dans le 30e jour. Si on voit le Hillel, le lendemain, on n'est donc pas le 30 de Sha'ban, on est le premier de Ramadan. D'accord? Et si jamais on ne l'a pas vu, on complète à 30 le mois de Sha'ban. Et mutlaqan le lendemain, pas selon le madhab, mais selon l'avis que nous on va prendre, ce sera le premier de Ramadan après le 30e jour de Sha'ban, car il ne peut pas y avoir 31 jours dans le mois. Quelles sont les preuves de cela? Donc dans la sunnah, an Abi Huraira radiyallahu anhu, donc anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a qal soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rubbiya. Là c'est dans cette version là, c'est rubbiya. Majoritairement, on entend « Rumma », il y a cette version. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Soumou li ru'yati » Donc jeûnez si vous voyez le croissant de lune, si vous voyez le mois. « Wa aftiru li ru'yati » Et aussi, donc rompez votre jeûne, c'est-à-dire qu'on entre dans le mois de Shawwal, « li ru'yati » par donc la ru'ya, par la vision du croissant de lune du mois de Shawwal. Fa in rubbi alaykum, si jamais vous êtes voilé par un nuage ou autre, fa akmilu iddata sha'ban 30, complétez donc la durée de Sha'ban à 30 jours. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc ici on a les deux signes dans le même hadith qui montrent l'entrée dans le mois de Ramadan. La ru'ya, le fait de voir, et la deuxième chose, c'est compléter le mois de Sha'ban à 30, et comme il n'y a pas de mois qui dure 31 jour, obligatoirement on entre après 30 jours de Sha'ban dans le mois de Ramadan. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui parmi vous atteste du mois, voit le mois, فَلْيَصُمْ, qu'il jeûne. Est-ce que la vision elle doit se faire à l'œil nu obligatoirement? Il est permis donc de voir par les satellites, de voir par les télescopes, par n'importe quel outil. Tant que l'œil, après, il est utilisé à travers cet outil pour voir donc le croissant de lune. Car le hadith a mis donc en lien la ru'ya. Il a mis en lien l'entrée du shahr à la ru'ya, c'est-à-dire à la vision. Et la vision, dans la langue arabe, elle se fait par l'œil. Obligatoirement, il faut que l'œil voit pour pouvoir dire qu'il y est entré par croissant de lune. Donc il ne peut pas y avoir entré par croissant de lune s'il n'a pas été vu par l'œil. Obligatoirement, il faut qu'on le voit par l'œil, même s'il y a utilisation de télescopes, etc., ou de satellites ou autres, hein, mais que l'œil, après, voit cette image-là. Ça entre, ça, alhamdoulilah, dedans. Ensuite, on a une grosse question, inshallah, qui, si on voulait lui donner son droit, ça prendrait du temps. Hélas, alors que chez les sélèves, elle ne prenait pas de temps, car il y a ijmer, c'est est-ce qu'il est permis de juger de l'entrée du mois de Ramadan par al-hisab al-falaki, par les prévisions ou bien les calculs astronomiques. Est-ce que l'on peut dire le mois de Ramadan, il est fixé au 9 juillet comme l'ont fait le CFCM cette année par exemple? Hada batil bil ijma'. Il y a consensus que c'est nul, que ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salat wa salam, il a lié donc le jugement d'entrée dans le mois de Ramadan à deux choses. Soit le mois de Sha'ban est complété à 30, soit ru'ya. Ru'ya, la vision. Et ça, c'est une musadama linnas. Ça, c'est aller à l'encontre du texte. C'est aller à l'encontre du texte. Même si les calculs ont atteint, ils ont atteint leur précision, qu'ils ont atteint aujourd'hui, il peut toujours y avoir des erreurs. Et même si jamais selon eux ils disent qu'il n'y a pas d'erreur, le hilal que eux prennent en considération, ce n'est pas le hilal shar'i. Pour ça qu'on insiste toujours, ayyuhal ikhwa hadha muhimun jiddan, mazlaqu ahli al-bid'ah fi akthar al-ahwal fi al-khalt bayna at-ta'arif wal haqa'iq ash-shar'iyya wal lughawiyya. Souvent les gens de l'innovation, je ne veux pas dire par cette phrase là que les gens qui ont dit que on peut utiliser les comptes, donc les calculs astronomiques, pour juger de l'entrée du mois de Ramadan, que ce sont des mubtadi'a, c'est pas ce que je veux dire, mais la majorité des mubtadi'a, souvent ils trouvent leur égarement dans le mélange entre les haqa'iq, entre les définitions linguistiques et législatives. Quel est le hilal que nous on vise dans le Qur'an et la Sunna? Le hilal, il est pris dans la langue arabe, de al-ihlal, wa huwa al-bayan wa al-dhuhur. Al-ihlal, qui est le fait que ce soit montré, et que ce soit quelque chose d'apparent. Et ça, l'ihlal yakunu bis-saut aw bis-sura, soit par l'image, par la vue, voir quelque chose, ou bien par l'entente de quelque chose. Mais le calcul, ça, ce n'est pas un hilal. Lorsque tu me dis que dans 10 ans, je sais à quel moment la lune de Ramadan va sortir, ça, c'est un hilal astronomique chez toi. Mais dans le shara, ce n'est pas un hilal. Ibn Taymiyyah parle de ça. Et Cheikh Bakr Abizaïd aussi dans Fiqh Nawazil, je vais vous lire quelques parties, il parle de ça. Que le Hillel dans la langue arabe, le sens chara'i, il a un lien avec la langue arabe, qui est Al-Ihlal, Al-Bayan ou Al-Dhuhur. Qu'est-ce qu'il a dit Jabir radiallahu anhu lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il a commencé le hajj, fa'ahalla bit-tawhid. Il a proclamé, fa'ahalla bit-tawhid, labbayk, Allahumma labbayk. Lorsqu'il a dit la talbiya, qu'est-ce qu'a dit Jabir? Fa'ahalla bit-tawhid. Il a proclamé. Et lorsqu'il y a vision du Hillel, et qu'il est donc amené au juge, et que le juge, il dit c'est bon maintenant, tout le monde doit jeûner, ça c'est un Hillel Shara'i, car il a été proclamé dans le peuple. Mais lorsque toi, tu, par tes calculs, tu dis qu'il y a un croissant de lune, donc un Hillel si tu veux dans le sens astronomique, mais pas législatif, qui va apparaître à telle date, nous on te croit, et c'est peut-être vrai à la seconde près, mais est-ce que c'est le Hillel qui est justement visé dans le Shara'i? Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Soumou les ru'yati ». Et en plus, ces calculs ne sont pas atteignables par tout le monde. Tout le monde ne les maîtrise pas. Et ne sont même pas eux-mêmes tous d'accord sur ces calculs-là. Si on prenait les calculs des grands savants ici européens, ils ne sont peut-être pas d'accord sur l'apparition de la Lune avec les grands savants américains, etc. Et l'erreur a toujours sa place. Et certains disent que le prophète alayhi salatu wasalam a lié avec la ru'ya car les gens étaient justement illettrés au temps du prophète alayhi salatu wasalam. Et même ça, c'est faux. Effectivement, le prophète alayhi salatu wasalam a dit nahnu ummatun ummiyah. Nous sommes une communauté ummiyah. Il est très la naktubu wa la nahsibu. Nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. Ash-shahru hakadha. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit le mois est comme ça. Et il a ouvert trois fois les dix doigts de sa main. 30 jours. Après, il a dit ou bien comme cela, et il a ouvert deux fois les dix doigts, donc ça fait 20, et à la fin il a ouvert les dix doigts en pliant un, ce qui faisait 9, 29. Et ça, certains disent, c'est une preuve que puisqu'il ne comptait pas à l'époque, alors le prophète alayhi salatu wassalam a donc dit qu'il fallait regarder. Mais non, ça au contraire, c'est une vertu. C'est parce qu'il y a erreur justement dans le calcul et qu'il y a une probabilité d'erreur que ça a été mis avec une alama qata'iyya, avec un signe qui est tranché, qui est la vision. Je vois, c'est le moi, je ne vois pas, ce n'est pas le moi. Alors que le calcul, quelle que soit la précision atteinte, il y a toujours une éventuelle erreur qui puisse apparaître. Falmuhim, ça demande une réponse qui sont indépendantes, et les savants, alhamdoulilah, l'ont fait. Mais juste, je vais lire une parole d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dans laquelle il rapporte l'ijma', selon lequel il y a nullité donc de la prise en compte du calcul pour pouvoir juger de l'entrée donc du mois de Ramadan, ou de tout mois d'ailleurs. Donc ça, c'est la parole donc des quatre madhabs. Les quatre madhabs disent qu'il n'y a pas donc prise en compte du calcul pour pouvoir entrer dans le mois. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il y a dit cette parole la suivante: inna na'lamu bid-darurati min din al-islam. On sait de manière nécessaire par la religion musulmane anna al-'amal fi ru'yati hilal as-sawmi aw al-hajj aw al-'iddati aw al-ila aw ghayri dhalika min al-ahkam al-muta'alliqati bil hilal bi khabar al-hasib أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. Il a dit on sait donc de manière nécessaire par la religion musulmane, car les textes sont clairs. صوموا لرؤيته انتهى الأمر. Et on sait très bien que les salafs ils n'aimaient pas celui qui يقدم العقل على النقل, qui donne la prédominance à la raison sur le نقل, sur le texte. Alors que même ici la raison amène à la conclusion que la vision est plus précise et plus sûre que le calcul. Il dit on sait par nécessité donc de la religion musulmane que agir donc par rapport à la vision du Hillel, du jeûne ou bien du Hajj ou bien de l'Idda, lorsque la femme elle doit rester 4 mois et 10 jours par exemple dans sa Idda, ou bien l'Ila, c'est lorsque le mari donc jure qu'il ne touchera pas sa propre épouse donc plus de 4 mois aw ghayr dhalika min al-ahkam al-muta'alliqati bil hilal, il dit, ou bien tout autre donc règle en lien avec al-hilal bi khabar al-hasib, il dit on sait très bien donc qu'agir par rapport à ça hein, de par l'information du hasib, de celui qui compte, annahu yara aw la yara la yajouz, donc ils nous disent que par les comptes il n'y a pas de hilal, il n'y a pas de croissant de lune, ou bien par les comptes il dit il y a hilal, il dit la yajouz, ce n'est pas permis. Wa an-nusus al-mustafidatu bidhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kathira, et il dit les nombreux textes hein, sont présents par rapport à cela, les textes du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa qad ajma'a al-muslimuna fi, il dit les musulmans sont en accord authentique, sont en accord unanime par rapport à cela, qu'il n'est pas permis de prendre en compte donc les calculs pour pouvoir établir le début ou bien même la fin du mois. Wala yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan, il dit on ne connaît pas de divergence ancienne là dedans à la base. Wala khilafun hadith, il dit et non plus de divergence donc contemporaine. Illa anna ba'd al-muta'akhirin min al-mutafaqihati al-hadithin ba'd al-mi'ati al-thalithati za'ama annahu idha ghumma al-hilal jaza lil-hasib an ya'mala fi haqqi nafsihi bil-hisab. Sauf certains jurisconsultes donc après le 3e siècle, ont prétendu que lorsque donc il y a une barrière entre nous et le croissant de lune, il est permis donc au calculateur, à celui qui calcule, de pour lui-même utiliser le hisab, le calcul. Il dit fa in kana al-hisabu dalla ala ru'yati sama wa illa fala. Et si le calcul donc indique qu'il y a eu entrée du mois, il gêne, sinon il ne gêne pas. Ça c'est ce que disaient ces jurisconsultes, mais cette parole est nulle. Wa hadha al-qawl wa in kana muqayyadan بالإغمام ومختصا بالحساب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. Et il dit cette parole, même si elle est spécifique simplement au cas où la personne a un voile entre elle et donc le croissant de lune, et il dit que c'est spécifique aussi au jeûne de celui qui calcule, donc le calculeur, celui qui calcule, il dit que il va y avoir entrée du mois, lui-même jeûne, mais il ne dit pas aux gens hein, qu'il est permis donc de jeûner par ce calcul selon ces jurisprudents, ces jurisconsultes-là. Hein, contrairement aux gens aujourd'hui qui disent donc le Hillel de 2014 il est à tel jour, allez, ils ont déjà prévu jusqu'à Yom al-Qiyamah tous les Ramadan. Il a dit فَهُوَ شَذُنْ مَسْبُوْخِ, il a dit c'est une parole singulière مَسْبُوْخُنْ بِالْإِجْمَعِ, qui a été précédée par le إِجْمَعِ, le consensus à la khilafi, donc le consensus va à l'encontre de cette parole. فَأَمَّا اتِّبَعُ ذَلِكَ فِي الصَّحُوْ, il a dit quant au fait de suivre donc le calcul fi sahou, lorsque le ciel est clair. Ou ta'liq 'umum al-hukm al-'am bihi fama qalahu muslim. Et dit quant au fait donc de juger par le calcul lorsqu'il fait beau, lorsque le ciel est dégagé. Ou ta'liq 'umum al-hukm al-'am bihi, ou bien mettre en lien donc le statut général toujours au calcul comme ils ont fait maintenant. Ramadan 2012, 2013, 2014, 2015, 2070. Il a dit ça, aucun musulman ne l'a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah. Ça n'a été jamais dit par un musulman. Et ce livre-là, Fiqh al-Nawazil de Cheikh Bakr Abi Zayd, il a étudié beaucoup de points contemporains. Et c'est un savant, ça, dans le sens avec un S majuscule. Peu de gens ont foulé la terre comme cette personne-là dans notre siècle, avec autant de science dans le fiqh comme dans le hadith, et autant de diqqa, de précision, et de fahm lil-waqi'. Ça, c'est vraiment Alim Rabbani, comme ont dit certains. La Lejna Da'ima, le conseil permanent de l'Arabie Saoudite, n'a pas profité d'un savant comme elle a profité de Cheikh Bakr Abi Zayd, rahmatullah alayh. Donc, utiliser le calcul pour définir le début du mois, ce n'est pas permis selon le consensus, donc le débat est clos. Le débat est clos. Donc, celui qui suit ça, hein, bon, c'est un ami, c'est un jahil, c'est un autre, mais celui qui wasalahu hadhihi al-ma'lumah fa huwa 'asin lillah azza wa jalla. C'est quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, huwa mukhalifun li jama'ati al-muslimin, il va à l'encontre du groupe des musulmans. Taïb, comment on fait nous dans les dar al-kufr comme ça, dans les maisons de kufr? Awwal shay natara al-hilal, il faut regarder le hilal. Il faut regarder le hilal. Il faut que ce soit des gens de confiance et des gens de ilm, au moins de science par rapport à ces notions-là, qui sachent comment est un croissant. Et si jamais donc un adl l'a vu, une personne de confiance, yu'khadhu biqawli. Mais si jamais personne ne regarde le hilal, comme c'est le cas majoritaire ici, les gens ne regardent pas le hilal, ils font confiance à la télévision des koufars, ou bien par exemple aujourd'hui cette année c'est clair, le CFCM a dit que c'est le 9 juillet, wa hadha batil. Donc Allah alim fatwa taqul, il faut se rabattre sur le pays le musulman le plus proche qui a une ru'ya shar'iyya à l'œil. Mais sinon à la base c'est aux gens du pays de le faire et de regarder. Il dit ensuite, donc comme troisième signe permettant de juger qu'il y a entré dans le mois de Ramadan, il dit wa wujud ghaymin aw qatarin laylat al-thalathin yahul duna. Donc il dit si jamais il y a un voile, nuage ou autre, le ciel est brumeux, on ne peut pas voir s'il y a croissant de lune ou pas. Il dit la nuit du 30e jour, c'est-à-dire on est le 29, le soleil s'est couché, on entre dans le 30e. Cette nuit-là, c'est le brouillard. Et on ne peut pas voir. Dans le madhab Hanbali, on jeûne le lendemain. On jeûne. Mais le rajih, wallahu a'lam, qawlul jumhur, la parole de la majorité, c'est qu'il n'est pas permis de jeûner. C'est même haram. Certains disent makruh, mais le sahih, c'est que c'est haram. Pourquoi ? Parce que ça entre dans yawm al-shak. C'est le jour du doute. C'est le jour du doute. Et donc, il n'est pas permis donc, de jeûner ce jour-là. Mais sur quoi se sont appuyés les Hanabila pour dire qu'il est permis donc de jeûner, il est même obligatoire à fond de jeûner. Ils se sont appuyés sur une version du hadith qu'on a donné tout à l'heure. Soumou li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Dans une version de Ibn Omar, fa in ghumma alaykum, s'il y a un voile entre vous et le croissant, faqduru lah. فَقْدُرُوا لَهُ, c'est-à-dire لِي شَهْرِ شَعْبَن. Et فَقْدُرُوا, eux, ils l'ont interprété comme فَدَيِّقُوا, c'est-à-dire serrer le mois de Sha'ban à 29 et ne l'allonger pas à 30. Ils se sont appuyés sur ça, c'est un sens de فَقْدُرُوا لَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, celui dont le risque a été rendu étroit, restreint. فَقَلُوا فَقْدُرُوا لَهُ بِمَعْنَا فَدَيِّقُوا لَهُ. Ça, c'est une version. Mais on a la version qui est claire. Celle qu'on a citée tout à l'heure. فَإِنْ رُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Si jamais vous êtes voilé, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc là, on a un hadith qui est mujmal. فَقْدُرُوا لَهُ. Parce que فَقْدُرُوا, ça peut accepter le sens فَدَيِّقُوا et ça peut accepter d'autres sens. Et on a un hadith qui est mufassar, qui est explicite, hein, qui est détaillé. فَيُقَدَّمُوا المفسر على المجمل يحمل المجمل على المفسر. Le global, celui qui est flou, on l'interprète par rapport au mufassar qui est de 30 jours. Donc c'est celle-là la riwaya que l'on suit. Et faqduru lah, ça ne veut pas dire qu'on la délaisse cette riwaya là, c'est à dire qu'elle est explicitée, elle est expliquée comme étant le fait de compléter à 30 jours, car il n'y a pas de contradiction entre les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Et le hadith est clair, fa in rumma alaykum fa أَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَنْ ثَلَاثِينَ. Si jamais vous êtes voilé, complétez donc le nombre de jours de Sha'ban à 30. Donc c'est clair. Donc ça c'est un qawl wallahu a'lam marjouh. C'est une parole wallahu a'lam qui est faible. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. Et en plus dans le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, beaucoup ont dit que cette parole-là, ce n'est pas la parole de l'imam Ahmed. Cette parole-là, c'est certains fuqaha, ils l'ont compris de la parole de l'imam Ahmed. Mais l'imam Ahmed, ce n'est pas sa véritable parole. وَصَرَّحَ, il a dit de manière claire que lorsqu'il y a un voile entre les gens et la lune la nuit du 30, que le lendemain ils ne doivent pas jeûner, ils doivent compléter à 30 jours le mois de Sha'ban. Et en plus il a été rapporté l'interdiction donc de jeûner ce jour-là dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith d'Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Man sama, ça c'est Ammar ibn Yasir qui dit ça. Man sama al-yawm alladhi yushakku fih faqad asa Aba al-Qasim, rawahu al-Arba'a. Celui qui jeûne le jour du doute, c'est-à-dire le jour, est-ce que c'est Sha'ban ou est-ce que c'est Ramadan? Faqad asa Aba al-Qasim. Il a désobéi Aba al-Qasim. Abu al-Qasim, c'est la kunya du prophète alayhi salatu wa sallam, rapporté par les quatre. Qui sont les quatre? Imam Ahmed, c'est ça? Ahmed, il n'y est plus. Il était dans les cinq. Maintenant, c'est les cinq sans Ahmed. Tirmidhi. Abu Majah. Ibn Majah. Abu Daoud. Abu Daoud. An-Nasa'i. An-Nasa'i. Rahmatullahi alayhim ajma'in. Donc ça c'est le premier hadith, il est clair. Et c'est un nas sahih, sarih, qu'il est interdit de jeûner ce jour-là. Et aussi dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit « An Abi Hurayrata radiyallahu an, an al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal, la taqaddamu » معna, la taqaddamu. La taqaddamu ramadan, la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman fal yasum muttafaqun alayhi. Ne précédez pas le mois de ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, si ce n'est une personne qui avait un jeûne, c'est-à-dire un jeûne obligatoire, le nidr, ils ont dit, certains savants, ou bien le qada du ramadan précédent. Illa rajulun kana yasumu sawman fal yasum. Sauf quelqu'un qui a un jeûne obligatoire, donc encore dans sa dhimma, relevant de sa responsabilité, alors il doit jeûner muttafaqun alayhi. Mais sinon, c'est interdit de précéder le mois de ramadan par un jour ou deux. Donc on continue le texte d'Ibn Qudama, rahmatullahi alayhi, il dit وَإِذَا رَأَ الْهِلَالَ وَحْدَهُ صَامُ. Il dit, rahimahullah, et s'il voit le hilal, le croissant de lune, seul, alors il jeûne. Ça c'est dans le madhab. Si jamais quelqu'un voit donc le croissant de lune, seul, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Même il va voir le juge, il dit j'ai vu, et il se fait refouler. Le juge, il dit, il n'accepte pas sa shahada. Est-ce qu'il doit jeûner lui tout seul? Na'am, dans le madhhab, il jeûne. Certains ont dit que non, nous, reste selon le madhhab, il jeûne. Wallahu a'lam. En plus, c'est la parole majoritaire qu'il doit jeûner. La preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui parmi vous a vu le mois qu'il jeûne. Et il entre dans ce verset-là. Et le hadith aussi, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. Jeûnez, donc lorsque vous le voyez. Donc lui a vu le mois, donc il est de son devoir de jeûner. Wallah a'lam. Ça c'est le mashhur du madhab. Aussi les trois autres madhab, le Maliki, Hanafi, Shafi'i disent aussi que tu dois jeûner. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit que non. Cheikh Ibn Baz, il a choisi aussi cette parole qu'il ne doit pas jeûner. Cheikh Al-Saymin, parmi les contemporains, il a dit il jeûne, c'est ce qu'il y a de plus sur Al-Ahwat. Par contre, pour la sortie donc du mois de Ramadan et l'entrée dans Shawwal, on va voir, c'est une autre règle. Donc si jamais il voit le mois tout seul, na'am, il jeûne. Hein, il jeûne. Mais est-ce qu'il le dit aux gens? Après, il va voir les gens, il dit moi je jeûne maintenant. Une fois qu'il allait voir le juge, et qu'il s'est fait refouler, notamment dans Daoula Islamia, il ne fait pas la fitna. Il ne fait pas la fitna. Parce que notamment s'il s'est fait refouler, c'est qu'il y a un mujib. Sûrement il est fasiq, mathalan. On va voir après le adl, c'est qui la personne dont on accepte le témoignage. Ce n'est pas n'importe qui. Donc si jamais lui il est fasiq, sa shahada n'est pas bonne pour les gens, mais pour lui. Lui, les gens n'acceptent pas sa shahada parce qu'il est fasiq par précaution, mais lui sait s'il ment ou pas. Donc il l'a vu, il l'a vu. Donc il doit jeûner pour lui-même. D'autres disent qu'il ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hilal shara'i. Le hilal shara'i, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est le hilal qui a été propagé, hein, et dont l'annonce a été faite. Saisissez ce point-là, hein. Donc lui, il a vu le hilal. Hein, ça, c'est un hilal physique. Une fois que donc il a fait son témoignage et que ça a accepté et que ça a été dit, là ça devient un hilal shara'i. Et même pour lui c'est pas un hilal shara'i. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été proclamé. Ça c'est la parole de ceux qui disent que il ne doit pas jeûner par sa propre vision personnelle tant que il n'y a que lui. Wallah a'lam, on garde la parole du madhhab, il jeûne, wal ilmu 'indallah. Fa in kana 'adlan sama an-nas bi qawli. Et si jamais c'est quelqu'un donc qui est adl, alors les gens jeûnent de par donc l'information qu'il a rapportée, son témoignage. Quelle est la preuve de cela? Il y a le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, tara an-nas al-hilal. Les gens donc sont sortis pour regarder le hilal. Les gens cherchaient le hilal. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu. Donc j'ai informé le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Ibn Omar, que je l'ai vu. Que j'ai vu le hilal. Fasama, le prophète alayhi salatu wa sallam a jeûné, wa amara an-nas bis-siyami. Et il a ordonné aux gens de jeûner. C'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud ad-Darimi, Ibn Hibban al-Hakim al-Bayhaqi. Donc Ibn Omar la shakwa min al-udul. C'est quelqu'un qui est adl, radiyallahu anhuma, wa la shakka fi hadha. Qu'est-ce que une personne adl, 'inda al-fuqaha, chez les fuqaha. Al-adlu, c'est celui qui fait les wajibat. Min atabil wajibat, celui qui fait les obligations. Wa yatruku al-kaba'ira, il délaisse les kaba'ir. Wa la yusirru ala as-sagha'ir, et il n'est pas donc constant toujours dans les petits péchés. Donc il fait le wajibat. Alladhi yatruku al-wajibat, celui qui délaisse les obligations. Ce n'est pas un adl chez les fuqaha, notamment les anciens. Après avoir la parole de Othaymin par rapport à aujourd'hui, si on va appliquer ça, on n'a plus de témoignages acceptés après. Celui qui délaisse le kaba'ir et celui qui n'a pas d'israr sur le sara'ir. Et ça, c'est le plus dur aujourd'hui à trouver, quelqu'un qui n'a pas l'israr sur le sara'ir. Chez les anciens fuqaha, Cheikh Othaymin l'a dit, si on va accepter ça, aujourd'hui, on n'a plus presque personne. Il a dit, qui ne parle pas sur les gens, le riba, qui ne mange pas le haram, notre nourriture, Allah alim ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est shurut avant. Les savants ont changé, le peuple a changé, même les muftis. Quand tu étudies le waraqat de l'imam al-Juwayni, à la fin tu étudies shurut al-mufti, il n'y a plus de mufti aujourd'hui sur la planète Terre. Même Cheikh al-Uthaymin, quand il a fait sharh de Nazm al-Waraqat, il a dit ça dans son commentaire. Il dit, si on voulait toutes ces conditions, connaître toutes les qira'at, être savant dans la langue arabe, dans le tafsir, si tu lis les conditions de l'imam al-Juwayni dans le waraqat, il n'y a plus aujourd'hui de mufti sur la planète Terre. Donc les savants ont changé, même le peuple a changé. Donc aujourd'hui le adl, ce n'est peut-être pas, ce n'est pas la condition, les mêmes conditions qu'avant. Donc qu'est-ce qu'il a dit Cheikh al-Uthaymin par rapport à ça? On prend la parole d'un contemporain parce qu'il faut une parole d'un savant qui est de l'époque. Il dit qu'il faut simplement que le juge donc, qui va juger de ce témoignage, hein, il ait donc en face de lui quelqu'un qu'il pense donc majoritairement qu'Inch'Allah il est dans la vérité, que ce n'est pas donc une fausse information. Et il s'appuie sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Mimman tardawna minashuhada » Allah subhanahu wa ta'ala dans Ayat al-Dayn, dans le verset de la dette, le plus long verset du Coran dans surat al-Baqara, il dit subhanahu wa ta'ala, parmi les témoins que vous agréez. Donc c'est l'agrément du témoin qui compte. L'agrément du témoin là-bas c'est l'adala. S'il n'y a pas d'adala, c'est vrai que il y a de forts risques qu'il y ait mensonge ou autre. Mais par rapport à l'époque, Cheikh al-Uthaymin dit cela. Donc au moins le juge soit donc tranquille et qu'il pense de manière prépondérante, forte, qu'il y a, Inch'Allah, véracité dans la parole qui a été rapportée. Il dit aussi, Cheikh al-Uthaymin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas ordonné de réfuter, de repousser le témoignage du fasiq, mais simplement il nous a ordonné at-tathabbut, donc la vérification. Allah dit dans Surat al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun bi naba'in, il a dit fatabayyanu, dans une qira'a fatathabbatu, il n'a pas dit faruddu, farudduhu. Ou farudduha ash-shahada. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fatathabbatu. Vérifier l'information. Mais l'a réfuté. Wallah alam, Cheikh al-Uthaymin dit que non. Fa'ala kulli hal, il reste toujours des udul, même selon les caractéristiques des fuqaha, mais ils se font rares. Wallah alam. Il y a d'autres aussi conditions, donc dans le témoin, celui qui dit avoir vu le hilal. Quwwatul basar. Donc il a une bonne vue. Si c'est quelqu'un qui ne voit pas bien, son témoignage n'est pas accepté. Al-Boulour aussi, qu'il soit pubère. L'enfant, son témoignage n'est pas accepté. On ne dit pas que le moi est entré ni n'est sorti si jamais l'enfant témoigne. Sur le mot Meyiz, celui qui est différenciateur, 7 ans et plus, il y a divergence. Allah A'lam, on reste sur la parole qui dit Al-Boulour, il faut qu'il soit pubère. Al-Dhukuriya aussi, que ce soit un mâle, il y a divergence là-dessus dans les madhhab. Dans le madhab Hanbali, ce n'est pas une condition. Pourtant, Cheikh Ibn Baz a dit que c'est une condition. On n'entre pas dans le mois de Ramadan par le témoignage d'une femme. Il a dit que ce n'est pas l'acte des femmes, c'est les hommes qui doivent sortir regarder les Hillel. Cheikh al-Uthaymin a dit que ce n'est pas une condition parmi les contemporains que ce soit un homme. Donc Allah alam, le témoignage de la femme, bihawlillah azawajal, est accepté, Inch'Allah. Donc, wa idha ra'a al-Hilal wahdahu sam, s'il voit le croissant de lune seul, il jeûne. Fa in kana adlan sam an-nas bi qawli, si jamais c'est quelqu'un donc qui est de confiance, les gens jeûnent en s'appuyant sur sa parole. On a vu le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhuma, lorsque les gens regardaient le croissant de lune, lui l'a vu, il a informé le prophète alayhi salatu wa sallam qui a jeûné, qui a à son tour ordonné aux gens de jeûner. Il dit wala yuftiru idha ra'ahu wahdah. Et si jamais il le voit tout seul. Donc là on arrive à la fin du mois de Ramadan. La nuit donc du 30, entre le 29 et le 30, il regarde, il voit le croissant de lune tout seul. Et personne d'autre le voit. Est-ce qu'il peut sortir là du mois simplement avec sa vision à lui et personne d'autre l'a vu? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi on différencie l'entrée et la sortie? Parce que la charia a différencié. La charia a différencié. L'entrée, elle a été plus facile. On demande simplement un seul témoin parce que on va entrer dans le jeûne. On va passer donc du mois de Sha'ban où il est permis de manger, boire et d'avoir des rapports le jour, au mois où justement de Ramadan où l'abstinence est demandée. Donc là, on passe dans ce qu'on appelle l'abstinence, l'imsak, le siyam. Donc la charia a facilité l'entrée. Elle a simplement conditionné un seul témoin. Pour la sortie, puisque là on sort du mois de Ramadan, hein, et qu'on va justement se mettre dans un état qui va à l'encontre des conditions de validation du mois de Ramadan, la charia, elle était plus ferme. Et donc elle a conditionné qu'il y ait deux témoins. Ça c'est rapporté dans le hadith suivant qui est rapporté par An-Nasa'i. C'est son expression, l'imam Ahmed aussi. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Si jamais deux témoins témoignent, jeûnez. Et si jamais deux témoins témoignent, rompez votre jeûne. Donc pour l'entrée dans ce hadith, il faut aussi deux témoins. Comment on va le spécifier et dire qu'un seul suffit? Comment? Par le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu, qu'on a cité tout à l'heure. Par le hadith d'Ibn Omar. C'est compris. Par contre, pour la sortie, là, le hadith précautionne qu'il faut deux personnes, deux témoins, pour pouvoir sortir du mois de Ramadan et entrer dans le mois de Shawwal. Mais on n'a pas un autre hadith qui vient spécifier, donner l'autorisation pour un seul témoin. C'est le cas pour l'entrée, mais pas pour la sortie, donc on reste selon ce hadith-là. فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا رواه النسائي. Ça c'est l'expression de Nasa'i. Ahmed, il a rajouté musliman. فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ dans sa version. Et Dharqutni, il a rajouté ذَوَا عَدْلٍ. ذَوَا عَدْلٍ, de confiance. On a expliqué c'est quoi Al-Adl. Bon, après, est-ce que la vision, ça c'est un point aussi sur lequel il y a une forte divergence, est-ce que la vision donc d'un musulman implique que tout le reste de la communauté, toute la planète doit jeûner? C'est une forte divergence là-dessus. Il y a deux avis majoritaires. Le premier, c'est que la vision donc, d'une personne de confiance, elle implique que toute la planète, toute la Ummah doit jeûner. Et ils se sont appuyés sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, somo, jeûner au pluriel. Somo, et il n'a pas spécifié les personnes d'une région, d'un pays, d'un gouvernement. Somo, ayyuhal muslimun, liru'yatihi. Donc si jamais une personne le voit, alors tout le monde doit ensuite jeûner. Toujours on revient à définition charia, législative. Le mois de Ramadan, c'est du premier Hillel, lorsqu'on le voit, jusqu'au Hillel de Shawwal, ou bien qu'on finit 30 jours de Sha'ban. Ça, c'est le mois de Ramadan. Lorsqu'il a été vu dans un endroit de la planète, le mois de Ramadan est rentré de partout. Même si les autres ne vont pas voir ce croissant de lune, ils vont le voir le surlendemain, ou bien avec 3 jours de décalage. Les savants, ils prennent pas tout ça en compte. Parce que ça, c'est de l'ordre astronomique après. Ils reviennent au texte. Soumo amrun lil umma li ru'yati. Le hilal a été vu, tout le monde doit jeûner. D'autres disent que non. Que la ru'ya tel zemu, que la ru'ya, donc la vision du hilal, elle rend obligatoire le jeûne pour la région et pas pour toute la umma. Et les régions, elles sont différentes selon les fouqa. La majorité, beaucoup disent, c'est les régions comme Al-Irak, c'est une région. Hachem, c'est une région. Khorasan, c'est une région. Jazirat al-Arab, c'est une région. Al-Maghrib, c'est une région. Ça, c'est une parole chez les fouqa. D'autres disent, si jamais il y a un califat, si jamais il y a un califat, et que la vision, elle a été acceptée donc par l'État, qu'il y a un califat pour toute la Ummah, là, obligatoirement, il faut jeûner. Il faut obligatoirement jeûner. Mais bon, là, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la planète. Il n'y a pas ce cas-là. D'autres disent, c'est Masafat al-Safar. Lorsque quelqu'un a vu donc le croissant de lune, sur toute la distance de voyage, donc environ 80 km, 76 km, toutes les personnes qui sont dans ce rayon-là, Allah Alam doivent jeûner. Nous, on revient donc à deux paroles principales. La première, la vision d'une personne, d'une partie, donc rend obligatoire le jeûne pour tout le reste de la Ummah. La deuxième, c'est la vision dans une région, comme le Chem, rend obligatoire le jeûne pour le Chem. Dans Khorasan, l'Iran et tout ça, c'est obligatoire pour l'Iran. Au Yémen, c'est obligatoire pour le Yémen. El Yémen, dans le sens, au temps du prophète, ça c'est pas le Yémen aujourd'hui, simplement avec les frontières que connaît aujourd'hui le Yémen. El Maghrib, dans le sens, le Maghreb large, Libye, Maroc, Algérie, Tunisie, toute cette grande partie-là, tu mets la Mauritanie avec, tout ça, c'est une même partie. S'il y en a un qui le voit à Tanger, à Nouakchott, ils doivent obligatoirement jeûner. Donc il n'y a pas de décomposition par rapport au pays dans le sens des frontières contemporaines, dans la parole des anciens fuqaha. Ils ne parlent pas eux, en prenant compte de ça. Wallahu a'lam. Ce sont deux paroles qui sont fortes. فالعلم عند الله للترجيح العلم عند الله الله أعلم على كل حال celui qui veut suivre donc qui veut jeûner lorsqu'il y a le témoignage de quelqu'un musulman n'importe où dans la planète على كل حال يتحرى أن لا يجعل la fitna il faut qu'il fasse attention à pas faire la fitna comme beaucoup le font اقتنعت بهذه الفتوى tu es maintenant satisfait de cette fatwa tu as entendu qu'en Égypte ils ont vu le Hilal, ils jeûnent. Tu veux jeûner ici en France? Si jamais ici ils ne jeûnent pas, Mathalan, parce qu'eux ils veulent suivre la ru'ya du pays musulman le plus proche, un pays du Maghreb, Mathalan, et ils ne l'ont pas vu au Maghreb, hein, il ne faut pas faire la fitna et aller voir les gens, dire il faut jeûner, akhi, regarde les délits, etc. Akhilaf mu'tabar. Jusqu'à aujourd'hui, les fuqaha sont en divergence dans ce point-là. Et les dînes à la sunna, je parle ceux qui sont vraiment à la sunna, ils divergent à ce niveau-là. Il faut qu'il fasse attention, c'est avant tout le plus important. Et souvent ceux qui disent le témoignage d'une personne, il implique le jeûne de tout le monde, ils recherchent justement ce qu'on appelle tawhid al-ahillah, ils disent, unifier les hilal pour pouvoir unifier la umma. Mais parfois en apportant cet avis comme le font certains frères, ils apportent plus de la fitna qu'autre chose. Donc tu jeûnes de manière secrète et tu ne le dis pas aux gens. Il n'iqtana'ta bihada. Tu veux vraiment suivre cet avis, tu en es sûr, et pour toi c'est l'adillah, tu jeûnes de manière secrète. Mais tu ne dois pas faire la fitna et dire aux gens, les forcer à jeûner, etc. Et pareil pour la sortie du mois. Celui qui veut sortir du mois parce qu'il a été vu le Hillel dans une autre partie de la planète, mais que dans son pays ils vont rajouter le 30e jour, et lui veut faire 29 jours parce qu'ils l'ont vu de l'autre côté de la planète dans un autre pays, qui n'est pas pris en compte par la région dans laquelle il vit, yuftiru sirran. Il fait le fitr de manière secrète. D'autres savants disent que non. Ils disent Saumukum Yawma Tasumun. Votre jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. Wa fitrukum Yawma Tufterun. Et le jour où vous rompez votre jeûne, c'est le jour où vous le rompez en groupe. Il s'appuie là-dessus. Il y a aussi le hadith de Kouraib que je voulais vous rapporter, qui est la preuve de ceux qui s'appuient sur le fait que chaque région a sa vision différente. Même s'il y a une réponse à ce hadith-là, selon. Ceux qui disent qu'une seule vision rend obligatoire le jeûne pour toute la Ummah. Je le rapporte simplement pour qu'on comprenne, inchallah, les preuves de chacun et savoir que ces deux paroles qui ont leur force. An Quraib anna Umm al-Fadl ba'athathu ila Muawiyah bi-Sham. Donc selon Quraib radiyallahu anhu, il dit que Umm al-Fadl l'a envoyé à Muawiyah au Sham. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام. Il dit donc je suis allé au Sham et donc j'ai fait la tâche qu'elle m'a demandé, Ummul Fadl. Il dit et le Hilal de Ramadan, donc il est apparu alors que j'étais au Sham. Il dit فرأيت الهلال ليلة الجمعة. J'ai vu le Hilal, le croissant de lune, donc la nuit du vendredi, le jeudi. Le soleil s'est couché, il a vu donc le croissant de lune. Summa qadim tul Medina ta fi akhir ash-shahr. Après, il est revenu à Médine parce qu'il était parti de Médine. Il est revenu après à Médine à la fin du mois. Fasalani Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas m'a questionné. Summa dakara al-hilal fa qala mata ra'aytum al-hilal. Puis il a parlé du hilal, du croissant de lune et il m'a dit quand est-ce que vous avez vu le hilal à Bochem. F فقلت رأيناه ليلة الجمعة. J'ai dit, on l'a vu la nuit de Jumu'a. فقال أنت رأيته. Il a dit, toi tu l'as vu. فقلت نعم. Il a dit, oui. ورآه الناس وصاموا. Et les gens l'ont vu et ont jeûné. Donc la nuit du vendredi au Shem, tout le monde a jeûné. وصام معاوية رضي الله عنه. Et معاوية donc a jeûné. فقال لكن رأيناه ليلة السبت. عبد الله بن عباس il a dit, mais nous ne l'avons vu que la nuit de samedi. Donc vendredi, la nuit du vendredi, ils n'ont rien vu. Le vendredi, il est passé. Ils ont mangé normalement. C'était un jour de Sha'ban pour eux. Après, le soleil s'est couché. Et la nuit du samedi, ils ont vu le Hilal. فَقَالَ لَكِنَّ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَى. Il a dit donc on ne cessera de jeûner jusqu'à ce qu'on termine 30 jours de Ramadan ou bien qu'on voit le Hilal de Shawwal. فَقُلْتُ J'ai dit, donc Quraib il a dit, أَوَلَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِ. Est-ce qu'on ne se suffit pas donc de la vision de Muawiyah? Il a vu lui au Shem et il a jeûné et tous les gens ont jeûné aussi. فقال لا عبد الله بن عباس il a dit non. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça que nous a enseigné le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة, rapporté par le jamaa, tout le monde sauf Al-Bukhari. Donc il est dans Sahih Muslim ce hadith là. Mais ils ont une réponse, les savants, qui disent que celui qui voit dans un endroit de la planète, le jeûne est obligatoire pour tout le monde. Ils disent que c'est un ijtihad d'Ibn Abbas. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'a pas rapporté un nas. Ça, c'est le fahm d'Ibn Abbas de Soumou les Ru'yati. Ça n'a pas hukm al-rafa. Ça, c'est un ijtihad. C'est pas sarih, clair, tranchant, précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça. Non, Abdullah ibn Abbas a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça. Na'am huwa faqih, etc. Lakin, ce n'est pas un asl shar'i mustaqil l'Ibn Abbas. Ce n'est pas un fondement jurisprudentiel de manière isolée. En tout cas, j'ai simplement rapporté ce hadith-là parce qu'ils s'appuient là-dessus et disent que... Donc ça, c'est un hadith qui montre bien que chaque région a sa propre vision. Et les autres disent que c'est un ijtihad d'Ibn Abbas. Donc le khilaf est qawi. Fallah a'lam, le plus important, c'est de ne pas faire de fitna bihawlillahi azzawaj. Donc il dit ensuite, rahmatullah alayhi, وَإِنْ صَامُوا بِشَهَدَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَفْتَرُوا. Il dit, si jamais ils ont jeûné 30 jours, donc 30 jours de Ramadan. Donc là, ce qu'on va citer, ça c'est dans le Madhab Hanbali, mais ce n'est pas selon la parole qu'on a choisie. Parce que ça va être en lien avec donc, le jour du doute. Nous, on a dit c'est haram de le jeûner. Donc le point, il est clos avec l'avis qu'on a pris. Mais selon le Madhab, وَإِنْ صَامُوا بِشَهَدَةِ اثْنَيْنِ. Si jamais ils sont entrés dans le mois de Ramadan par le témoignage de deux personnes. Aftaru. Donc au bout de 30 jours de Ramadan, ils n'ont pas vu le Hilal. Qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Ils rentrent dans Shawwal. C'est l'Eid. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés par deux témoins. Et ça c'est qat'i, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il dit wa in kana bi ghaymin. Mais si jamais ils sont entrés parce qu'il y avait les nuages. Et dans le Madhab Hanbali, donc après le 29e jour, le 30e jour de Sha'ban ou bien le premier de Ramadan, eux, par précaution, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jeûnent. Par rapport à la version de Faqduru, là. Rétrécissez le mois de Sha'ban à 29, et eux, ils disent de jeûner. Nous, on a dit, c'est le jour de Cheikh, c'est haram. Si jamais ils sont entrés par cette cause-là, ou qawli wahidin, ou bien par le témoignage d'un seul, comme par rapport au hadith d'Ibn Omar, lam yuftiru, le lendemain, ils ne doivent pas manger. Et ils rajoutent un jour, même s'ils jeûnent 31. Parce qu'en réalité, ce jour-là, maintenant, il a été démontré qu'il ne faisait pas partie de Ramadan. Il est parti nafila, inshallah. Mais nous, donc on ne prend pas en compte tous ces détails-là, parce que qu'est-ce qu'on a dit? Ce jour-là, c'est le jour de doute, et il est interdit de le jeûner, selon le hadith d'Ammar ibn Yasir. وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ. Et si jamais le prisonnier, donc n'arrive pas à différencier les mois, donc quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui a les yeux bandés, qui est dehors, hein, quelqu'un qui est aveugle, qui n'a personne autour de lui, hein, quelqu'un qui ne peut pas regarder le ciel, qui est coupé donc de tout indice lui permettant de savoir si jamais demain c'est Ramadan ou pas. Mais si jamais c'est quelqu'un qui est en prison, il a la radio, et il y a une radio musulmane d'un pays musulman, donc il y a une ru'ya shar'iyya qui dit demain c'est le mois de Ramadan, il ne rentre pas lui dans le esir, là, dans le prisonnier. Si jamais quelqu'un il est pas en contact donc visuel avec le ciel, mais reçoit un appel téléphonique de sa famille, de gens de confiance, ils disent demain c'est le mois de Ramadan, ça c'est une shahada de adl, donc il doit jeûner. Donc là, on parle de celui qui est coupé de manière totale de tout indice lui permettant de juger que c'est le mois de Ramadan. Taharra wa sa'am. Donc il doit suivre ce qu'on appelle ghalabat adhan. Il doit estimer, et lorsqu'il pense qu'il est entré dans le mois de Ramadan, il jeûne. Il sait à peu près quand est-ce qu'il est rentré en prison, ça fait combien à peu près de jours par rapport au nombre de jours peut-être où il a mangé, le nombre de promenades qu'il a fait, etc. Il y a des prisons comme ça, tu es complètement coupé même du soleil, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'il fait jour-nuit. Mais il sait à peu près, il y a un ou deux repas par jour, il estime qu'il était rentré, il se souvient en prison, tant à peu près un mois et demi avant le mois de Ramadan. Il se dit, je pense vraiment être rentré maintenant dans le mois de Ramadan aujourd'hui. Il commence à jeûner. Donc il suit sa pensée majoritaire. Il dit « Wa in wafaqa shahra aw ma ba'dahu ajza'a ». Donc une fois qu'il sort, ou bien toujours dans la prison, on l'informe que le mois de Ramadan il était à telle date. Si jamais il a jeûné donc le mois de Ramadan comme il faut, c'est accepté. Si jamais il a jeûné une partie du mois de Ramadan et un peu plus après, ces jours qui sont hors Ramadan, donc il a jeûné le mois de l'Eid, et en plus d'autres jours, ce sont des jours aussi, incha'Allah, qui sont acceptés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en vérité dans un temps de qada, ils sont arrivés après waqt al-wujub. Ils ont eu lieu après le temps, donc, qui rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Il dit, wa in wafaqa qablahu lam yujzi. Et si jamais, donc il a jeûné tout le mois de Ramadan, ou bien quelques jours avant le mois de Ramadan, ces jours-là, il doit les rattraper. Il doit les rattraper parce qu'ils ont eu lieu avant waqt al-wujub. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين